3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est pas parce qu'ils sont en vacances, certains en France, d'autres peut-être à Cancun, que nous, on y est aussi. Alors oui, on est en France, mais on n'est pas vraiment à Cancun. Et puis, bah, on vous avait laissé la semaine dernière avec une petite review, des petites notes, des grosses notes, des notes, bref, sur le Big Three des Knicks. On avait encore tout un tas de joueurs qui n'ont pas reçu leurs notes, donc on va s'occuper de leur cas aujourd'hui. Et pour s'occuper de leur cas, en rôle de maître sévère, je ne sais pas si maître sévère ou maître cool, Seb, Choubix le Gaulois, qui m'accompagne, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, tout va bien, tout va bien. Prêt à distribuer les notes, sortir l'ardoise, lever les dés, on est d'attaque? On est prêt, et cette fois-ci... C'est à nouveau, donc pas besoin de frotter 400 ans. Ça devrait glisser, ça devrait être smooth. Ça devrait être smooth. La semaine dernière, on a enregistré une vidéo. On l'enregistre le lundi pour vous la proposer le lundi. On est encore lundi, on l'enregistre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un certain Carmelo Anthony. Et puis, un certain Carmelo Anthony, bah ouais, qui nous a fait une petite surprise la semaine dernière, puisqu'il avait une petite annonce à nous faire au moment où on venait de poster la vidéo. Le petit malin. Donc du coup, bah ouais, on va peut-être parler un petit peu de Mr. Carmelo Anthony. Eh ouais, il est sur la miniature de la vidéo, donc il va avoir le droit à son petit moment. Est-ce qu'on va lui mettre une note? Des B, des C, des D, je sais pas. Mais voilà, on a un petit programme qui est bien riche. Moi, je ne mets pas de note à Carmelo Anthony. Je voudrais pas que ma tête soit mise à prix. Donc, je sais que la fanbase de Melo est assez féroce. Donc, non, on va peut-être pas lui mettre des notes, mais on va parler du monsieur parce qu'il a fait parler. Il a fait un peu l'actualité dans la planète Orange and Blue. Et puis, comme on le dit, Knicks un jour, Knicks toujours. Hein, donc voilà, il va avoir froid à son petit passage sur KNFTV dans Have a Knicks Week, Have a Knicks Summer. Allez, c'est parti, on balance le jingle et puis on regarde ce qui s'est passé. C'est Tipar. I remember the days when I had nothing, just a ball on the court, and a dream of something more. But basketball was my outlet. My purpose was strong, my communities, the cities I represented with pride, and the fans that supported me along the way. I am forever grateful for those people and places, because they made me, Carmelo Anthony. But now the time has come for me to say goodbye, to the court where I made my name, to the game that gave me purpose and pride. But this bittersweet goodbye to the NBA, I'm excited about what the future holds for me. When people ask what I believe my legacy is, it's not my feats on the court that come to mind, nor the awards or praise, because my story has always been more than basketball. My legacy, my son, is in you. I will forever continue through you. Because the time has come for you to carry this torch. So, Kai, chase your dreams. Let nothing hold you back. Let nothing intervene. My legacy, now and forever, lives on through you. And I'll always be proud of all that you do. Peace. We got to keep it real with reality, and reality gonna keep it real with us. I remember them good old days. Et voilà, c'était le moment de dire au revoir à Mr. Melo, Mr. Carmelo Anthony, qui nous annonçait la semaine dernière, lundi dernier. Alors c'est curieux hasard parce que ce lundi, c'est son anniversaire, 39 ans. Eh, hey, pas tout jeune, Melo. Bah voilà, la semaine dernière, il nous annonçait officiellement son départ à la retraite après quand même quelques belles saisons en NBA dans différentes franchises, dont nos fameux Knickerbocker. Bon, c'était une annonce de départ en retraite, comme ils savent très bien le faire aux États-Unis, bien orchestré, les petits violons, tout ça, Ghostface Killah, Mary J. Blige. Pour ceux qui ont la ref, le son, il passe très très bien. Le message, il est beau, les images sont belles, Mello est bien sapé, il y a la petite bouteille de vin dans le fond, il y a le petit fiston pour finir sur la vidéo où il fait une sorte de passage de témoin, passage de torche, passage de relais à la nouvelle génération. Voilà, Mello en NBA, c'est terminé. On a eu le droit de le voir sous différentes couleurs. Bien sûr, nos New York Knicks, avant pour commencer aux Denver Nuggets. La Ligue s'est, comment dire, a célébré Mello la semaine dernière. Il y a eu tout un tas d'hommages, de vidéos. On s'est rappelé ses records, ses accomplissements. Alors oui, il n'y a pas la bague. Il n'y a pas la bague. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'accomplissements en play-off, surtout avec nos New York Knicks. Ça, ça laisse un petit goût de déception vis-à-vis de la carrière, mais c'est quand même une belle carrière, il faut quand même le noter. Il termine 9e meilleur scoreur all-time de la Ligue, c'est pas rien. Dans ce classement des 10 meilleurs scoreurs all-time, aujourd'hui, il n'y a que Karl Malone qui est devant lui, qui n'a pas plus de bagues. Donc voilà, donc ça aussi, c'est à signaler, à noter, entre guillemets. Mais qui a plus de finales. Qu'à plus de finales, oui, il y en a trois. Il y en a trois perdus. C'est pas forcément mieux. Est-ce qu'il vaut mieux aller plein de fois en finale et les perdre? Après, il les perd contre. Après, bon, il les perd aussi. Contre un certain Michael Jordan. C'est pas rien non plus, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas. Il ne perd pas contre, rougir. Contre Jojo le Clodo. Il n'y a pas à rougir des défaites du Jazz face aux Bulls à l'époque du prime de Michael sur le deuxième three-peat. Mais effectivement, Mello, bah voilà, c'est ce que certains vont retenir, on va dire, sur oui, mais sa carrière, il n'y a pas de bague. Alors lui, il le dit, hein, il a eu l'occasion de se livrer notamment dans une interview assez longue qu'on vous invite à lire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est accessible sur le site de Sports Illustrated, avec toujours quelques belles photos, parce que voilà, le gars a soigné sa sortie, hein, quand même. C'est pas une sortie par la petite porte, il s'est fait rappeler un petit peu à tout le monde, comme quoi voilà, il prenait sa retraite. Et il nous a livré une interview dans Sports Illustrated, donc très intéressante, où il dit que bah voilà, effectivement, il n'y a pas de bague à la fin de cette carrière, mais pour autant, c'est pas un loser Carmelo Anthony. Pour lui, il dit, à partir du moment où il a été drafté en 2003, il est sorti entre guillemets de son quartier et il a eu la vie et la carrière avec des accomplissements. C'est quelque chose d'assez récent, ça. C'est quelque chose d'assez récent, je trouve, hein, de presque qualifier de carrière ratée parce que t'as pas de bague. C'est un truc, comme je te dis, pour moi, c'est qui est arrivé là, post année 2000, voire même 2000-2010, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, t'avais quand même des mecs qui ont marqué, tu vois, les histoires on en parlait. De franchise. Karl Malone. Karl Malone. Oh, t'as Karl Malone, t'as Gary Payton, t'as tout un tas de mecs comme ça qui ont été. Payton, il a la bagouze. Hein. Il a oui, avec, série, avec Miami. Avec Miami, voilà. Il est allé la chercher, t'as raison. Je suis resté avec ses amis. Même les Lakers, pour moi, je les zappais. Pour moi, c'était avec. T'avais Shao Kemp de son époque, lui, il l'a pas. Ouais, ouais. T'avais ces mecs-là, les Mitch Richmond. Et, enfin, Barclay, Mullin, Iverson. Il y a tout un tas de joueurs qui ont fini leur carrière sans. Reggie Miller. Patrick Ewing. Patrick Ewing. Donc, et je veux dire, et est-ce que ces mecs-là, on peut dire que leurs carrières sont ratées? Non. Je pense pas. Mais, non, mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression que de nos jours, il faut que si à 24-25 ans, t'as pas de bague, toi, t'es un loser. Quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a la fameuse réflexion de Sarkozy, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as loupé ta vie. Bah là, maintenant, si t'as pas une bague à 25 piges, ouais, c'est t'as loupé ta carrière NBA. Quand tu lis les réseaux sociaux, quand tu lis certains articles ou quoi que ce soit, les mecs, il faut qu'ils soient tout de suite opérationnels maintenant. Mais quand tu regardes, Victor Wembanyama a pas encore mis les pieds à NBA, que déjà on est en train de dire de lui, ouais, il faut l'entourer pour qu'il soit un contender tout de suite. Mais t'imagines un peu si maintenant tu devais mettre la carrière de Jordan maintenant, lui qui a décroché, je crois, c'est 29 ans, sa première bague. C'est au bout de sa septième carrière, ouais. Ouais. Alors après, il y a toujours un contexte, il y a des blessures, il y a des faits que tu aies des coéquipiers qui soient plus ou moins forts. Si tu le mets dans des manas, le mec, on dirait de lui que c'est un loser, que le mec, il n'arrive pas à faire gagner son équipe, que machin. Enfin, C'est moi je trouve, alors ouais, évidemment que gagner une équipe, mais c'est comme tu dis, c'est tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans une saison que, bah, c'est que ça reste quand même, il y a quand même une part aussi d'aléatoire là-dedans. Mais dire que le mec est un loser parce qu'il a gagné, non, faut voir l'empreinte qu'il laisse. T'as des C'est mecs qui ont ça. gagné des bagues et pourtant des et t'as des mecs qui ont gagné des bagues et pourtant se souviennent Est-ce Patrick qu'un Marceau, est-ce que Ro... ça parle? Le Est-ce mec, qu'un il a gagné Robert des bagues avec Horry, moi. un Robert Horry qui a plein de Si, bagues, est-ce qu'il est si. plus valuable Oh, qu'un Carmelo en termes ah, d'impact mais au je niveau de la sais pas, ligue? mais Roberto, il a quand même eu à chaque fois Oui, un un rôle rôle important. dans. Voilà. Donc lui, quand même, si. Je suis pas sûr sur le bon exemple. Mais tu vois, quand je disais un Patrick Marceau, sur le mec, il a gagné des bagues avec les Warriors. Et il est Jeremy Lin, bagué. Jeremy Lin, Jeremy Lin, il est bagué. Il a une bague de champion Avec avec les Toronto. Toronto Raptors. Oui. Bon, après, il a peu joué, surtout, je crois qu'il a même pas joué sur les finales. Mais Il a pas voilà, joué. c'est un champion NBA. Officiellement, il est champion NBA. Il a Donc, plus de tu titres que vois. du Et donc, Barclay, que du Wing. est-ce que ces types-là, on Ouais. peut dire, ah, oh, ben, eux, c'est des winners. Tu vois, Non, effectivement, l'ère actuelle est très, on va dire, tout blanc, tout noir. Soit tu es Ouais. champion et tu as gagné ta saison, tu as réussi ta saison, soit tu n'es pas champion et tu as loupé ta saison. Il y a Giannis Antetokounmpo qui en parlait cette saison lors de la sortie C'était un très peu juste ce qu'il disait. prématurée, où il parlait de la notion d'échec et il disait qu'effectivement, bah, le sport, il y avait des vainqueurs, il y avait des perdants, tu peux pas gagner à chaque fois, ça c'est sûr, que tout le monde a envie de gagner, que c'est un chemin, tout ça, et qu'il y a vraiment une part d'aléatoire, de blessure, de réussite qui vient de beaucoup de paramètres. Donc voilà, donc effectivement, dans Carmelo Anthony, même si Onyx, il laisse un goût un petit peu particulier, on n'a pas eu, on va dire, les résultats qu'on aurait escompté quand on l'a vu arriver, parce qu'il arrivait avec une aura de star, parce que c'était Avec un un trade des de tout star. meilleurs joueurs, un des tout meilleurs joueurs de dans la draft 2003. Hein. Il a été très tôt comparé à LeBron et il en a peut-être aussi un peu souffert parce que c'était pas du niveau de LeBron, c'était pas l'ensemble du jeu all-around qu'on pouvait avoir de LeBron. C'est pas un franchise player dans le type de franchise player qu'a pu être LeBron. Donc voilà, le costume était peut-être un peu trop grand pour lui, mais Voilà, moi, pour pour moi, dans autant. la draft 2000, 2003, pour moi, c'est si on c'est LeBron, Wade et lui dans le trio. Ouais. Bon, Bon, il y a c'est Chris Bosh, voilà, il y a d'autres beaux joueurs qui se sont ouais, immiscés. mais On parlera pas de Darko je Milicic. Drafté numéro 2 par Détroit. Ça aussi, c'est un deux. what if. C'est un what if qui résume un peu, enfin qui fait partie de la carrière de Melo. S'il avait été drafté par les Detroit Pistons, quelle carrière aurait-il eu? Est-ce qu'il aurait été champion, pas champion? Est-ce qu'il se serait installé durablement à Détroit? On n'en sait rien. La carrière de Melo, Après Darko Milicic, elle est complexe, à sa quoi. décharge, il est arrivé entre les mains de Larry Brown. Alors bon, je ne sais pas si. Ouais. Mais c'est pareil, la carrière de Darko Milicic, elle est toujours un petit peu regardée sur le prisme de pourquoi est-ce qu'il a été drafté si haut? La logique aurait voulu que ça soit un mélo, un peu comme la draft 84 de Jordan, Sam Bowie ou Olajuwon. Voilà, il y a petite erreur de casting. Tu as à la refaire, tu la refais pas dans cet ordre-là, clairement pas. Peut-être que tu mets un D-Wade en deux, je sais pas, ou peut-être un mélo en deux, mais en tout cas, voilà, ça avait surpris beaucoup à l'époque. Et puis une carrière donc qui a débuté, bien sûr, aux Denver Nuggets. Au Denver Nuggets, où bah, Melo était dans la discussion au début de sa carrière pour être. Pourquoi pas comment dire, le rookie de l'année. Certains disent que voilà, il s'est fait voler le titre de rookie. Est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir un co-roy, un co-rookie de l'année en NBA? Ça ne s'est pas produit très très souvent. J'ai juste en tête, moi, Grant Hill et Jason Kidd. Je ne sais pas s'il y en a eu Ouais, d'autres qui ont été co-rookie de l'année. je crois qu'il y en a eu récemment, mais je suis pas sûr. Mais Bon, oui, vous nous comme tu direz en dis après. commentaire, pour les plus Pour experts, on moi, va rechercher la chose, mais j'ai en tête, moi, Jason Kidd et Grant Hill. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ouais. maintenant, avec les nouveaux systèmes de vote, est-ce que ça serait possible d'avoir un co-rookie de l'année? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les votes permettent d'avoir un équilibre parfait dans le nombre de points. Ça paraît quand même délicat. Mais voilà, en tout cas, il avait commencé sa carrière plutôt bien. Hein. Il y avait quand même des choses plutôt prometteuses vers la Bah, carrière de t'imagines, Melo dans le tu tournes Colorado. à 21 points sur ta saison rookie, Voilà. quoi. C'était tout de suite un joueur NBA ready, champion NC avec Syracuse en son année freshman, le seul titre des Orange Men de Syracuse. Ouais. Donc ça aussi, ça avait tout de suite un petit peu marqué les esprits. Melo, c'était ça. C'était, il y avait un style, il y avait un swag, il y avait un côté shiny, un côté star. C'était un joueur qui était beau à voir jouer. Il y a tout un tas de dossiers, hein. Il y a tout un tas de dossiers Je te avec Melo. coupe. Elton Brand, Steve Francis. Wow, ok. Pour Après, rookie de l'année, c'est les derniers. C'est les derniers. ouais. Oh. Est-ce que c'est des winners? Est-ce que c'est des losers? On ne va pas en parler. Ah Mais voilà. ben oui, voilà. Je veux dire, c'est pas à Houston après. Ouais. Et pareil, hein, sur le Roy, Jason Kidd et Grant Hill, bah, il y en a un qui a eu des blessures, qui avait un potentiel en Grant Hill, Jason Kidd qui a eu sa bague sur le tard au Dallas Mavericks, Mais il a des avec à records, quoi. l'époque Nowitzki. Mais ils ont des records, voilà. Et au final, voilà, on a quand même un Melo qui n'avait pas eu sa titre de rookie de l'année, mais il ne le déméritait pas. Il y avait peut-être plus de hype par LeBron dans l'Ohio, mais LeBron qui fait pas les playoffs sur sa saison rookie, là Et où non. le Melo Ben ramène ouais. les Nuggets en Pour playoffs, moi, et enfin, ils ont. après, je suis pas un grand fan de Melo, hein. Je suis pas son plus grand fan, mais pour moi, cette année-là, il aurait dû remporter pour moi le rookie de l'année. Il fait clairement passer un gap de fou à ce quoi. Enfin, je veux dire, c'est. T'imagines, ils n'avaient pas connu depuis 10 ans les playoffs. Il le draft, boum, il retrouve les playoffs, quoi. Ouais. Et il a fait les playoffs avec les Nuggets toutes les années où il a joué à Denver. Ils ont été jusqu'au plus haut en finale de conférence contre les Lakers de Kobe. Bon, il a eu différents coéquipiers, hein. Il y a eu du Iverson, il y a eu du Chauncey Billups avec lequel il est revenu à New York. Ça, vous le savez déjà. C'est peut-être un coéquipier qui l'a justement, hein, qui lui a permis de se fixer un Est-ce petit qu'il a peu au joué niveau avec de son Camby? jeu. Est-ce qu'il a joué avec Oui, il a joué avec Marcus Marcus Camby? Camby, Kenyon Martin. J.R. Smith, bien sûr, celui qu'il a déclaré comme étant son meilleur coéquipier en carrière. Donc, bon, il s'était peut-être pas le meilleur en termes de niveau basket. Je sais pas, on pourrait mettre quand même Iverson quand même au-dessus, mais par rapport à la longévité qu'ils ont eue tous les deux ensemble, que ce soit à Denver ou que ce soit à New York, bon, pourquoi pas. Et puis ils Il va y avaient l'air de avoir de bien l'André s'entendre les Miller deux. aussi, je pense, à Denver. Ouais, mais pour moi, André Miller, c'était avant, c'était au tout début. Hein. Et puis un Melo qui a eu différents coachs, hein. George Karl pour Karl pardon pour commencer, avec lequel ça a été très Ah, il y a de compliqué, l'André hein. Il y Miller, a eu ouais. de la fight, il y a eu de la fight, il y a eu tout un tas de déclarations. Et pour autant, George Karl a été plutôt comment dire, a honoré le passage de Melo à Denver, là où la franchise qui est certes en finale NBA, qui a envie de vivre son présent plutôt que de ressasser un passé qui n'est pas si lointain, pour l'instant c'est pas trop exprimé vis-à-vis de Carmelo Anthony. Mais voilà, et donc Melo qui a après fait la valse qui a eu la valse des coachs à New York avec Mike D'Antoni pour commencer, ça s'est pas hyper bien passé. Mike Woodson, c'était mieux, et puis après du Derek Fisher, du Jeff Hornacek, bon, ça a été compliqué. Et puis une fin de carrière qu'on connaît, hein, délicate, délicate avec le trade et avec pareil la guéguerre avec Phil Jackson. On aura l'occasion sûrement de traiter ça prochainement sur une vidéo dont on vous garde encore un petit peu de secret pour la saison prochaine sur KNF TV. Le passage à OKC, le fameux moi je vais sortir du banc, mais jamais de la vie. Bon voilà, il y a eu des petites déclarations, il y a eu des Ouais. petites choses comme ça qui restent, on va dire, dans l'image de Melo. Il y avait aussi peut-être une cassure un jour qui n'a pas C'était su l'époque évoluer. OKC avec Paul George et Westbrook. C'était Ouais. Puis ce moment-là. il, Hein. Et il ils se font sortait de sa salement phase. sortir. Hoodie Melo, il était en mode hoodie pour les warm-up, les warm-up du Thunder. Premier match de OKC avec OKC contre les Knicks. C'était aussi un curieux hasard du calendrier, mais il met ses premiers points au Thunder et en match d'ouverture de la saison face aux Knicks, de Porzingis, de Frank Ntilikina. Voilà, c'était une drôle de transition. On n'oubliera pas que Melo, on l'a trade contre Enes Kanter et Doug McDermott. Voilà, Oh, donc là où aujourd'hui. c'était clairement pour dégager le salaire. Là, Oui, c'était du puis. dump envoyé du forme. Et puis il y avait la fameuse no trade clause qui faisait que Melo était décideur à la fin de. Donc à partir du moment où le mec te dit je suis partant, tu sentais que de toute façon tu arrivais au bout de l'histoire avec lui à New York. À partir du moment où le gars te dit bon d'accord je vais bien partir, là ils se sont engouffrés dans la brèche quoi. C'est évident. Et voilà une carrière de Melo qu'on apprécie ou pas, ou qu'on pour lequel on a une appréciation différente. Toi, je sais pas ce que tu en penses de la carrière, du passage de Melo, on va dire, au Knicks, parce que de la carrière au sens large, je pense qu'elle est tout à fait respectable, parce qu'on a quand même un des meilleurs scoreurs all-time. Donc c'est un joueur offensif qui savait mettre des points, qui avait une technique, qui était clairement pas le meilleur défenseur du monde, c'est certain, qui était pas le meilleur leader du monde, c'est certain. Est-ce que c'était un franchise player? Un franchise player, moi j'ai envie de dire oui. Pour moi, il avait ce rôle, du moins à New York, aux Nuggets aussi. Mais est-ce qu'il a permis de faire gagner l'équipe? Est-ce que ça a été un winner ultime? On n'a pas parlé, mais il y a les fameux passages Team USA. Ah oui. Team USA. Le Melo FIBA, c'était quelque chose. Son coup de feu, son coup de chaud face au Nigeria, là. Énorme, quoi, le nombre de médailles qu'il a. Et il a été longtemps aussi le leader. Maintenant, bon, il a été dépassé par Kevin Durant, mais il a été longtemps le c'est leader ça. En termes de points. Enfin, de leader FIBA. C'était lui le premier. Bon, maintenant, c'est Kevin Durant. Mais il a toujours, il a toujours honoré à être présent pour la sélection aussi. Hein. Donc, c'est pendant que certains boudaient ou ne voulaient pas y aller ou non, mais j'ai la côte, tu vois. Et lui, enfin, il a toujours été des campagnes, quoi. Quand il a pu, il a toujours été là. Donc, chapeau à lui, quoi. Enfin, ça se respecte vis-à-vis de sa sélection, parce que ça commençait plutôt mal. Hein. Ça a commencé en 2004 avec l'échec à Athènes. Hein. Team USA qui termine médaille de bronze. Donc, ça a démarré très, très mal. Ouais, mais il joue quasiment pas. Lui, le oui, bon oui, code. Oui. Il y avait le jeune Amar'e Stoudemire aussi. C'est ça. L'équipe était plutôt drivée par Steph Marbury, Iverson et Duncan, quoi. Donc, Richard Jefferson, tu fais un axe Iverson, Duncan, il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est-à-dire que t'as deux mecs, c'est des bouffeurs de ballons unlimited, tu vois. Ah, dans des registres différents, mais est-ce que la cohabitation était la meilleure sur le papier? Larry Brown. Cette équipe était tellement débile. Ouais. Mais voilà, l'aventure Team USA commençait pas hyper bien, et après il y a eu la fameuse Redeem Team et tout, et Melo a retrouvé un rôle plus en retrait, moins un rôle de leader et d'option numéro 1. Quelque chose qu'il aurait dû avoir en carrière NBA. C'est ce que beaucoup disent, ouais, effectivement. On se pose toujours la question de savoir un Batman ou un Robin. Alors, je sais que beaucoup de gens ne vont pas du tout adhérer avec ce que je vais dire. Et moi, on a toujours ce débat, toi et moi et d'autres personnes, sur le franchise player. Alors, vous le voyez sur le du contrat et du salaire qu'on donne et des responsabilités, entre guillemets. Et moi, je le vois plus d'un côté, entre guillemets, romantique. Un franchise player, c'est... c'est le leader, c'est le capitaine, c'est le gars que tu suis dans la tempête, et c'est celui qui te fera gagner également, te gagner par d'autres aspects, c'est-à-dire par son leadership, il te fera gagner par sa grinta, il te fera gagner par... voilà. Pour moi, un franchise player, c'est ça. Pour d'autres personnes, je crois que pour toi, c'est par le contrat qu'on donne et les responsabilités qu'on donne sur Internet, c'est-à-dire, tiens, prends le ballon, il va marquer. Pour moi... On lui a donné peut-être un costume qui était bien trop grand, surtout que quand tu as deux mêmes et que tu peux comparer entre guillemets leur carrière, c'est-à-dire que d'un côté tu as LeBron et t'as Melo, ouais, LeBron, c'est-à-dire vraiment des vrais leaders, des leaders nés, des mecs qui vont à un moment donné gueuler, qui vont à un moment donné prendre la pompe. Type. Et de l'autre côté, peut-être des types un peu plus solistes et qui vont peut-être pas stat-pader, mais ils vont vouloir avoir le shine. Et pour moi, voilà, pour moi, Melo, c'est un qui en leur prime avec un autre avec un vrai franchise player tel que moi, j'ai ma conception bien plus élevé, quoi, tu vois. Bon, après c'est comme ça, et il a eu une carrière magnifique, hein. Et il n'aurait jamais dû être le Batman, puisque la preuve est, c'est que ça n'a jamais rien donné quand il était un. Ça n'a jamais rien donné quand il était un. Et après, quand il a accepté de... Voilà, et après, quand il a accepté de changer de rôle, c'était trop tard, parce que là, il était déjà trop vieux, il quitte New York à 32 ans, il arrive à OKC à 33, bon voilà, là tu commences à être sur le déclin, quoi. Donc, voilà. Pour moi, Melo, c'est un attaquant extraordinaire, mais qui aurait dû être peut-être soit mieux entouré, ou en tout cas avoir un vrai mec à côté de lui, un vrai type. Tu vois que quand il a Iverson à côté de lui, Iverson est vieux et il ne fait plus trop les différences. Il est à New York, il a un Amari Stoudemire, mais qui Amari commence à être vieux. Et il est pété. Et après, derrière, qu'est-ce qu'il a? Après, derrière, il trouve tout seul. Je veux dire, avec quoi? Avec des Bargnani, avec des... Ouais, il y a deux phases dans la carrière, dans le passage de Melo à New York. Il y a le début, effectivement, où il arrive. Il y a le fameux trade. Est-ce qu'il faut pas le faire, ne pas le faire, patienter? Bon, ça, l'histoire a montré que le trade s'est fait. Mais derrière, effectivement, il y a une ascension, on va dire, de l'équipe, avec Stoud qui est encore à peu près là. Tyson Chandler qui arrive en tant que champion. Il y a un effectif qui se construit. Il y a la fameuse saison du Knicks tape où Melo finit troisième, je crois, dans la discussion au MVP. Il termine meilleur scoreur. Donc, c'est le prime à New York. Et puis derrière, c'est la dégringolade avec des blessures, avec des trades qui sont pas bien sentis. Des changements de coach aussi. Changement de coach, hein, Derek Fisher, c'est pas forcément. Voilà. Et puis un Melo qui s'obstine, qui voit que c'est fini et qui pour autant reste. La seule saison qu'il faut complet, c'est sa saison rookie. La seule saison qu'il fait au complet, c'est sa saison rookie. Ouais. Il y a eu des blessures aussi. Il y a eu des blessures. Il y a la saison, je crois, c'est 2015, 2014-2015. Quand il arrive en 2000, donc en 2011, et donc bon, 27 matchs forcément. Après, c'est 50 en 2011, 67 en 2012-2013, 77 en 2013-2014, 40 en 2014-2015. Ouais. Et j'ose, tu vois, enfin, il n'a jamais fait. Ouais. Mais... Et puis il y a la fameuse saison où le All-Star se tient, donc 2014-2015, où le All-Star se tient à New York, il veut faire le All-Star chez lui et tout, et puis après, voilà, il jette l'éponge à la fin de la saison parce qu'il est blessé, et voilà. Donc c'était ça, Melo, c'était une star de cette ligue, qui voulait être à New York, parce que voilà, c'était le fameux coming home, on se rappelle la mise en scène qui est super, ouais, pour son arrivée, voilà. Donc il y a une super mise en scène sur son arrivée, il y a une super mise en scène sur son départ, voilà. Melo, il était aussi un bon client pour tout ce qui était média, pour tout ce qui était Star System. On parlera pas de sa femme Lala, hein. Bisous Lala si tu nous entends. mais voilà, il avait aussi cette envie de briller à New York. Malheureusement, il manque des choses. Oui, on va retenir le match à 62 points parce que c'est le record, parce que voilà, c'était un coup de chaud un soir. Oui, on va retenir le match en prolongation face aux Chicago Bulls à Pâques, parce que voilà, c'était une sacrée ambiance aussi. Melo a fait lever le Garden, mais malheureusement, il manque des accomplissements, notamment en play-off, lorsque ça compte le plus. Il y a trois campagnes de play-off, il n'y a finalement qu'un tour qui passe. C'est pas rien non plus. Mais voilà, ouais, y a une popularité, il y avait un joueur qui était beau à voir jouer. Malheureusement, il y avait des travers avec ce joueur. Alors forcément, il y a l'éternel débat, et il est revenu récemment, la semaine dernière, forcément sur la place publique, sur le net. Vont-ils retirer le maillot de Melo, le maillot numéro 7? Faut-il faire monter une bannière de Melo avec les autres noms? Pour la plupart des champions, il n'y a que deux Knicks aujourd'hui qui ont leur numéro retiré, qui ne sont pas des champions NBA. Patrick Ewing, une carrière qui n'est plus à présenter, il a tous les records de la franchise, il manque des titres, malheureusement. Et Dick McGuire, qui n'est non plus pas un champion, qui a son numéro 15 retiré avec Earl Monroe. On a deux numéros 15 de retirés, comme quoi ça c'est possible. Hein. Petit message aux Denver Nuggets, si vous voulez retirer un numéro 15, vous pouvez aussi en retirer deux. mais voilà, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés. Oui, il faut, non, il faut pas. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Je pense qu'on verra ce que la franchise décide. Faut pas oublier que James Dolan, le propriétaire, sera à un moment donné un des décideurs dans cette décision à prendre. Faut-il ou pas retirer, vont-ils ou pas retirer le numéro de Melo. Il semblerait qu'il y ait pas mal de soutien pour un retrait de son maillot. Alors, tout un tas de vieux supporters, on fait un peu partie de ces vieux supporters, vont s'offusquer parfois en disant « Mais non, regardez, il n'y a pas Starks, il n'y a pas Oakley, il n'y a pas Mason, il n'y a pas Sprewell, il n'y a pas tout un tas d'autres joueurs qui ont eu plus d'accomplissements. » Il n'y a pas Houston ? En post-season, oui, Houston, la liste est non exhaustive. Bernard King aussi. Pourquoi est-ce que on retirait le numéro 7 de Melo alors que les autres n'ont pas eu leur maillot de retiré? Et en même temps, c'est peut-être aussi un critère de sélection qui est trop élevé. Alors, je ne sais pas, voilà, il y a de la place au plafond et en même temps, c'est une salle qui est partagée avec les Rangers, entre autres. Ouais, mais... il faut peut-être aussi laisser, entre guillemets, cet honneur au gratin ultime. Et bah oui, il faut être champion, ouais, si c'est ça le cahier des charges. Si tu pars à un moment donné, tu te dis, bah, tiens, nous, on décide de retirer le maillot comme ça, pour ça, pour des... Maintiens-toi jusqu'au bout, parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement? Les autres n'ont pas compté. Donc là, enfin, je sais pas. La finale de 94 n'a pas compté. Enfin, la réflexion la est tout 4... à fait légitime. La finale de 99 n'a pas compté. Les finales de conférence pendant plus d'une décennie, les Knicks étaient en haut de l'affiche, ça n'a pas compté. Cette régularité dans l'effort, cette régularité dans le niveau, dans l'engagement. Ça compte pas, je veux dire, à un moment donné, on a quand même des mecs qui étaient toujours présents, qui ont fait gagner les Knicks, et pas sur 3 ans, parce que Melo en 7 ans, ses 3 campagnes de playoff, après ça disparaît. Alors oui, je sais, on va me dire, ouais, mais regarde un peu par quoi il était entouré, tout ça, c'est pas évident. Oui, ok, d'accord, ça marche. Je veux bien comprendre. Mais de notre côté, enfin, je veux dire, on a quand même des mecs qui ont aussi performé. Et ils affrontaient pas dans les années 90, la conférence Est, c'était costaud. C'était au début des 90, c'était les Orlando Magic de Shaq et Penny. Il y a du gros monde. Le Heat, les Pacers, il y a eu une conférence qui était compliquée, bien sûr. Il y avait, même à l'époque d'Atlanta, il y avait Mookie Blaylock et compagnie, quoi. Mais est-ce que maintenant, en fait, ça veut dire, bon, ben, on change nos critères. Mais, bon, les gars, n'oubliez pas, vous, hein, super, bravo hein, pour ce que vous avez fait. Mais maintenant, on change nos critères. Tu marques 70 points, t'as gagné. Non, enfin, je schématise. Caricature. D'accord, je grossis le trait. Voilà. Mais effectivement, il faut voir, entre guillemets, moi, quelles sont les raisons qui pousseraient à faire ce retrait. Alors, il ne faut pas se mentir. Oui, Melo a été un visage de cette franchise. Pas le visage le plus glorieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de résultats collectifs, malheureusement. Mais il y a eu d'autres visages qui ont été marquants. Alors, est-ce que ça ne serait pas, entre guillemets, l'occasion aussi de dire, bon, effectivement, allez, on retire un maillot de Melo. Je ne dis pas que c'est entièrement... ma vision des choses, mais allez, on retire le numéro 7 et puis on donne aussi les fleurs qui doivent être données à d'autres légendes qui sont déjà bien connues, des John Starks qui travaillent toujours dans la franchise, entre autres, des Bernard King. Voilà, donc après, est-ce que c'est une sorte de on adoucit, on allège le cahier des charges pour pouvoir donner les honneurs qu'on doit donner à certains joueurs? Ou est-ce que, bah non, il aura plutôt une vitrine, comme Larry Johnson a une vitrine dans le Madison Square Garden par rapport à son shoot à 4 points. Voilà, à voir quel hommage sera officiellement rendu. Moi, je ne suis pas pour son retrait de maillot. Voilà. Et je crois qu'on est quand même beaucoup dans ce cas de figure. Ça dépend aussi de la génération, on va dire, des Knicks fans. Les Knicks fans plutôt jeunes sont arrivés à New York par Melo. Hein. Je lis qu'il y a des gens qui sont évidemment... Mais je vois quand même beaucoup sur de forums, c'est presque du 3 pour 1, 3 qui sont contre, 1 qui pour. Donc pour moi, il y a quand même... Après, les décideurs, on n'est pas décideurs, hein, on n'est rien du tout. Hein. Donc, on commente l'actualité et puis à un moment donné, c'est James Dolan qui dira au matin, après son café, on le retire. Voilà. Et puis ça sera fait. Attention, James Dolan qui était très content de le faire venir à New York. Qui a été, je pense, aussi mais un moi, élément je serais décideur absolument pour le trade. Contre. Moi, comme je dis, hein, si on retire John Starks et Houston, qui eux sont vraiment en haut, un point en termes d'efficacité, en termes de palmarès. Dans ces cas-là, ouais, on peut retirer Melo. Mais d'abord on retire ces mecs-là, et après on peut retirer Melo, il n'y a pas de problème. Moi, Melo, il n'y a pas de problème. Si d'abord on retire ces mecs-là, après Melo, il n'y a pas de problème. En même temps, 20 ou 30 ans après leur départ en retraite, parce qu'il faut qu'on retire Melo, retirer maintenant Starks, ça serait bizarre aussi. Moi je te dis, qu'est-ce qui pourrait me faire accepter qu'on revoie le braquet ? On retire ces mecs-là, on retire Melo, ça passe. Pas de problème. La franchise dit, ouais, désormais, voilà, un mec qui... ok, mais si on retire cette... Après, si on me dit, bah, demain, on retire le maillot de Melo, pas de problème. Mais je trouverais quand même plus logique que ce soit Denver qui retire le maillot de Melo. Après, on va me dire, oui, mais c'est Jokic qui a le 15. Tu fais bien souligner. Tu peux même retirer un mec qui n'a jamais joué dans ta franchise. Alors tu peux faire tout et n'importe quoi. Hein. Donc, mais je trouverais quand même plus logique qu'il soit retiré à Denver. Mais après, visiblement, je crois qu'à Denver, ils sont un petit peu un bisbille. Donc c'est pas l'amour fou. Voilà. À voir. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Faut-il, voudriez-vous et voir toi, le numéro 7 au plafond ? Je suis partagé. Un, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour en parler. Deux, à la fois, pour moi, ça a été un visage de la franchise. Il n'y a pas les accomplissements, effectivement. Aux côtés du casting qu'il y a tout en haut, eh ben, ça dénoterait parce qu'il n'y a pas les titres. Et ça voudrait dire que tu le mets à un équivalent d'un Patrick Ewing. Et ce n'est pas du tout un joueur qu'on peut comparer avec Patrick Ewing dans la legacy qu'il va laisser à New York. Mais pour autant, c'est un joueur qui a montré des choses, qui a été le visage, du moins, de cette franchise. C'est une période... Mais voilà, une période qui n'a pas assez de succès. Donc, au regard du cahier des charges actuel, non, aujourd'hui, il n'a pas sa place là-haut. Est-ce que le cahier des charges s'assouplit ? Si oui, ça peut laisser la place à d'autres joueurs et ça permettrait d'être un peu moins dans le côté conservateur. Donc, on pourra discuter dans quelques années de Julius Randle, alors. Bah, s'il a des accomplissements et voilà. Oui, ouais, non, mais Julius Randle, All-Star, All-NBA Team. Si l'année prochaine, il fait une saison comme ça, on discute de lui pour le retrait. Le numéro 30, allez. Préparez-vous, Randle là-haut et pas Bernard King, ça peut faire bizarre. Si on dit Melo, on peut dire Randle. Hein. Ouais, on a été coupé en plein débat. Est-ce qu'on envoie le numéro 30 de Julius Randle au plafond ? Sébastien est fou, Sébastien il veut me faire partir sur des sujets, waouh ! Bah écoute, Julius Randle, il y aura peut-être un Jalen Brunson qui peut aller là-haut avant. Voilà, parce mais Jalen Brunson, il va falloir qu'il soit d'abord... All-Star, et il faudrait qu'il soit All-NBA pour aller... On verra. Pour l'instant, mais effectivement, voilà. Pour l'instant, Julius, c'est hier. Pour l'instant, moi, si Julius Randle continue d'avoir des accomplissements, s'il a une longévité à New York, voilà, il aura été à un moment donné une certaine forme de visage de la franchise. Bien sûr, on mettra peut-être un pouce, un emoji pouce en bas, je ne sais pas, on verra. Mais aujourd'hui, la relation Julius Randle et la fanbase des Knicks, c'est je t'aime moi non plus. Donc, bon, on en est encore loin. Oui, c'est vrai. Mais si on verra comment il se termine. Tu sais, si on part de la logique, parce que c'est souvent la logique, on me dit « Oui, mais regarde, le mec, il a marqué tant de points. Regarde son match, son 2 points. Regarde le match des playoffs. Regarde, il a fait partie des All-NBA teams. » Ouais, mais regarde Julius dans ces cas-là. C'est la même chose. Julius, il a été All-Star. Pour l'instant, en quatre années avec les Knicks, il a été 2 fois All-Star, 2 fois All-NBA, 2 fois en playoffs, donc 1 fois en demi. Il a fait aussi bien que Melo jusqu'à présent. Il est sur la lignée de Melo. Après, on n'a pas la cote de sympathie et le côté charismatique qu'avait à Melo. Donc, c'est ça aussi qui fait aujourd'hui dire qu'à beaucoup de Knicks fans, oui, il faut mettre Melo là-haut, il a sa place. Moi, je suis partagé, voilà, parce que c'était un visage de cette franchise. Il n'y a pas les résultats. Donc, à la fois, ça me dérangerait qu'il soit là-haut au regard des autres légendes qui y sont. Si on fait venir Melo là-haut, il faut aussi donner la place à d'autres joueurs qui n'ont pas eu les accomplissements individuels. Donc voilà, c'est une réflexion. Est-ce que les Knicks, entre guillemets, restent fermés dans cette champion ou rien ? On l'a dit, tu n'es pas forcément un loser si tu ne gagnes pas la bague. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec non, ça. Non, mais voilà. Est-ce qu'un retrait de maillot, ça veut dire systématiquement champion ? Aujourd'hui, Onyx, c'est quasiment ce cahier des charges, à quelques exceptions. Mais on l'a dit, l'exception, ce n'est pas la règle. Donc, ouais. À voir. Quand tu regardes d'autres franchises, alors, il y en a certaines, en effet, ils ont retiré les maillots, mais parce que c'était. Tu vois, par exemple, aux Grizzlies, où ils ont retiré le maillot de Marc Gasol, Ouais. de Allen, comment il s'appelle? Tony Allen. Tony Allen, le défenseur. Tony Allen, Ouais. Zach Randolph, qu'on est par chez nous. Enfin, après, mais parce que aussi pendant une dizaine d'années, ils ont mais il y a eu une vraie régularité dans le succès, tu vois. Oui, puis Donc. parce que c'est des franchises jeunes qui n'avaient pas non plus, entre guillemets, de palmarès. Les Knicks n'ont pas un palmarès ouf, on le sait, il n'y a que deux titres de champion. Mais entre guillemets, on a. Enfin, les Knicks, New York, c'est toujours vu dans la même Ben c'est catégorie 77 ans, tu vois. que Boston, que les Lakers. Et voilà, voudraient avoir toutes ces bannières de champion et retirer des numéros de champion. Voilà, donc on est un peu. On boxe dans une catégorie intermédiaire. À voir, à voir, à voir. Il y a des joueurs marquants d'autres franchises, très jeunes. Je pense aux Wolves. Avec KG, ils ont pas retiré le maillot. Le Shaq à Orlando ou Penny Hardaway, c'est des joueurs qui ont été marquants. Oui, il n'y a pas d'accomplissement. Il y a quand même des finales NBA. C'est un peu eux qui ont positionné cette franchise sur la carte qui compte en Ah, NBA. carrément. Bah, ils n'ont pas des maillots retirés. Après, il y a eu des couacs, il y a eu des guéguerres avec les dirigeants, tout ça. Et puis quand les années passent, bah, au bout d'un moment, bah non, tu ne retires pas le numéro. Hein. Joakim Noah à Chicago. Il n'a pas eu son maillot de retiré. Pourtant, voilà, il a été un personnage, un visage, un personnage charismatique, engagé vis-à-vis de la ville de Chicago aussi. Voilà, même si ça s'est Deep plus mal Boy, passé All-Star. à New York, All-Star, All-NBA aussi, dans le classement des MVP, quand Derrick était sur la touche. Chicago, hein, on parle souvent de ouais, à New York, vous respectez pas vos légendes. Eh, les Bulls, dernier maillot retiré, c'est qui? C'est Jordan? C'est Jordan ou Pippen, peut-être Pippen, mais enfin voilà, il n'y a pas eu depuis. Et un Dennis Rodman qui était présent sur le three-peat, il n'a pas eu plus de maillots retirés. Un Phil Jackson qui a été quand même présent sur les titres, sur deux three-peat, il n'a même pas un truc, une bannière. Après, à Bon, voilà. l'entre-deux, tu veux retirer le maillot de qui? Du Holding, d'Eric Non, entre Gordon? deux, non, Enfin, pas parce d'Eric que Gordon, voilà. Mais dans l'équipe championne, il n'y avait pas que Jordan et Pippen, quoi, sur les six titres, quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On dit ça, on dit rien. Allez, allez, on va fermer le débat, nous, pour cette émission sur le retrait de Bayo. Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez et on poursuivra le débat avec vous. On va finir notre review parce qu'on l'avait commencé sur les joueurs la semaine dernière. On va sortir l'ardoise. On va pas mettre la note à Alors Melo, ça. j'ai vu sur la vidéo que quand je montrais mon truc, alors on voyait souvent que dalle. Que la moitié. Donc, je sais pas si ici tu vois bien. Est-ce que ça va? Tu vois bien? Moi là, je vois bien, je vois bien, je vois bien. Mais de toute façon, Bon, on parfait. fera un Bon, tu récapitulatif de vois à tout peu ça. près alors où est-ce qu'il faut que je me positionne alors? C'est bon. On va faire un récapitulatif de tout ça. Il nous reste des joueurs. On avait parlé du Big Three la semaine dernière. Jalen Brunson, Julius Randle, je cherche les noms. RJ Barrett. Les notes sont toujours disponibles. Vous pouvez les trouver dans la vidéo la semaine dernière. Hein, en termes de notation, on n'a pas revu notre cahier des charges. Cette semaine, on Alors va vous oui, il faut commencer par ça, il vous faut bien parler. rappeler, hein. Il faut Oui, bien rappeler. rappelle les règles. Aussi par rapport, c'est aussi par rapport aux attentes qu'on a eues par rapport aux joueurs, que Oui. c'est pas un classement en fait du meilleur au plus fort, mais c'est par rapport aux attentes qu'on a eues du joueur entre ben, ce que lui produit ou son statut dans l'équipe et finalement ce qu'il a fait durant la saison. Donc ça peut être, ça peut, on peut avoir été agréablement surpris, et là je pense qu'on va en avoir quelques-uns dans cette liste. On peut avoir été agréablement surpris de cette saison et finalement qui se retrouve Désagréablement avec une déçu. note meilleure Ouais. par exemple qu'un RJ Barrett, par exemple. Par exemple, on verra, on verra. J'avoue, je me rappelle plus toutes mes notes, si c'était du bébé moi. Bref, vous avez ça dans la prochaine, dans la dernière vidéo. On fera un récapitulatif aussi à la fin. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de certains joueurs et par rapport toujours aux attentes. Les attentes qu'on avait sur ces joueurs en saison régulière, les attentes qu'on avait une fois les playoffs arrivés. Voilà, on va mettre ces notes. On va passer en revue 6 joueurs et donc il y a tout un tas de joueurs qu'on va pas noter. Evan Fournier, désolé pour toi, Non. Cocorico, mais la saison était tellement Non. compliquée. On attendait forcément de te voir jouer. On t'a très peu vu jouer. Donc, on ne va pas te mettre une note parce que ça n'a pas de sens. Cam Reddish, hein, ton joueur préféré, Seb. Malheureusement, tu n'as pas fini la saison avec nous. Tu as eu un début de saison où tu as joué. Tu as fini sur le banc. On ne s'attardera pas sur ton cas. Miles McBride, lui, il était là au début. Il était là à la Juice, fin. Il a eu des il a miettes. joué, il a pas joué. Voilà. Et pareil, Jericho Il est Sims est rigolo. un joueur qu'on va pas noter non plus sur cette vidéo parce qu'il y a finalement trop peu de matière pour pouvoir vraiment aimer Même le si joueur. son cas est quand même assez exceptionnel, c'est que quand le roster est au complet, c'est le troisième pivot, et que quand il nous manque notre pivot titulaire, il devient titulaire. Ouais, y a... C'est assez. Thibodeau a un petit peu jonglé, pioché avec ses pivots cette saison. Donc voilà. On va Voilà, commencer tout de mais c'est vrai que suite. son compte est assez spécial. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par un joueur majeur, par un joueur du 5 majeur. Le 5, le pivot, le Eh poste 5. J'allais dire Mitch Richmond. Wow, n'importe quoi, moi. Mitchell Robinson, oui. oui. On a parlé d'anciens et tout. Mitchell C'est Robinson, ça. il fait une saison Pleine. pleine. Pleine. Voilà, C'est chercher attends, mais comment la qualifier. c'est aussi rare qu'il faut le souligner. Il a fait une saison pleine, quoi. Il fait C'est pas. 59 matchs. 59 matchs en C'est saison quand même. régulière. C'est pas mal. 59 matchs, 27 minutes, 7 points de moyenne, 9 rebonds, 1,8 bloc. En playoff, il fait tous les matchs. Il fait 11 matchs, 27 minutes, même temps de jeu. Un peu moins de points, à peu près autant de rebonds, 9,3 et 1,5 bloc. Donc voilà. Donc Mitchell Robinson, Mitch, pour les intimes. Alors je vais écrire gros parce que, hop. Quelle note on lui met en saison régulière? Qu'est-ce qu'on attendait de Mitchell Robinson sur sa saison après avoir signé son petit contrat de prolongation et comment on l'a trouvé en playoff. Je suis en train de noter en même temps que je parle. Alors, on s'est une nouvelle fois pas concerté pour les notes. On va découvrir Non. nos notes. On est parti. On fait le changement. On fait le retournement d'ardoise. Allez, hop. J'espère qu'on voit bien mon ardoise. Alors, moi, je suis sur un B en saison régulière. Hop, je vais le mettre un peu plus haut. Alors, si je mets plus haut, le fond d'écran le fait dépasser. Et un B moins en playoff. Toi, tu es sur un B plus en saison régulière et un B plus aussi en playoff. Bon, on est OK. dans du B. On est sur une note plutôt sympathique, intéressante pour Mitchell Robinson. Moi, je suis un petit peu, on va dire, en dessous de tes notes, à deux niveaux. J'ai pas le plus et je mets même du moins en playoff. Du coup, je te propose de démarrer l'argumentation ou. Le complément par rapport à la notation, pardon. Donc globalement, c'est quand même une belle saison pour Mitchell Robinson. Il y a eu de la blessure, mais voilà, il a été quand même plutôt présent. Les histoires de problèmes de gestion de faute, j'ai envie de dire, ça appartient au passé. On a eu un Mitchell Robinson beaucoup moins en foul trouble sur cette saison. Et tant mieux. Moi, j'attendais de voir un petit peu Mitchell Robinson avec un vrai meneur. Ça faisait un moment qu'on avait besoin d'un meneur. On a changé tout un tas de joueurs et essayé d'avoir une connexion entre ce poste 1 et ce poste 5. Et ben voilà, cette saison, avec l'arrivée de Jalen Brunson, et ben ouais, on parle encore de Jalen Brunson, ben on avait au moins un vrai meneur pour servir, essayer de servir Mitch Robinson. Finalement, un Mitch Robinson qui s'est plaint par moment de ouais, je suis pas trop utilisé, je fais le rim runner, je fais l'aller-retour. Voilà, donc on a eu un Mitch Robinson qui était dans son rôle défensif, dans son rôle de protection de l'arceau, dans ce rôle de je gobe des rebonds, dans ce rôle de je fais des blocs. Mais voilà, c'est un rôle assez réduit qui s'est pas retrouvé à être comment dire augmenté, valorisé. Voilà, il a pas spécialement progressé. Il nous a donné du Mitchell Robinson consistant, mais du Mitchell Robinson qu'on connaissait avant. Moi, je vois pas forcément un gros gap entre le Mitchell Robinson d'avant et le Mitchell Robinson de cette saison, même s'il y a un meneur qui arrive. Je ne l'ai pas vu plus impliqué dans le jeu. Il va mettre ses points sur dunk à ras du panier parce que c'est que là où il a obtient quelques ballons. Donc, il a été très bon au niveau du rebond offensif, ça c'est certain, d'où le B. Moi, je mets un B. J'ai pas été jusqu'à un B+. Il a été un élément important dans la défense, mais une utilisation qui est assez réduite. Et en playoff, on en parlera après. Voilà, moi, pourquoi je mets un B en saison régulière. Toi, tu as mis un B+. Détaille-nous pourquoi ce petit plus. Qu'est-ce qui t'a fait. Ouais, Qu'est-ce qui t'a plu sur sa saison? un petit peu plus parce qu'on a vu une équipe avec et sans Mitchell Robinson, et puis on voyait qu'en effet C'est vrai. au niveau de la défense ça vacillait quand même souvent quand il n'était pas là. Alors Isaiah Hartenstein propose d'autres choses, On va en parler. Par contre, il a pas son déjà sa vitesse de déplacement en défense. Il a pas qualité. Et je trouve que on prend souvent pour acquis sa présence, entre guillemets, sur Mitch. Aussi quand il était là et quand il n'était pas là. Et cette saison, il a été beaucoup moins blessé. Il a fait moins le con au niveau des fautes. Genre, souvent, il se mettait en protection de cercle. Dès que le mec, en fait, il faisait pas, tu sais, une petite feinte du sourcil, il sautait pas, il restait en place. Il acceptait plus souvent qu'on... Il acceptait plus ben, que des fois le mec marque, hein, ça arrive. Donc ça, il a accepté. Parce qu'au début de sa carrière, il fait tout qui bouge. Là, il contrait plus au tout début de sa carrière que maintenant. Mais je trouve que maintenant, par contre, ses contres sont plus importants. Il prend plus de rebonds offensifs, forcément, parce qu'on a une équipe de shooters, donc ben, ils doivent... Il y a du déchet. Il doit se faire sa propre, se créer son propre shoot. Alors c'est pas un mec qui sait tirer à mi-distance. Il a des problèmes au niveau de lancer franc. Il te les balance comme si c'était des sacs. Allez, plus vite c'est passé et mieux c'est. Plus vite c'est débarrassé. Ouais. Mais après, par contre, voilà, moi je trouvais que cette saison c'était vraiment notre ancre défensive. Et si on a eu ce succès-là, c'est aussi parce que ben, Mitchell Robinson n'était pas blessé. Et a pris un peu plus de plomb dans la tête. Alors, est-ce que parce que maintenant sa vie de famille peut être structurée, ouais. Il va devenir papa. Oui, il va devenir papa, mais ça montre quand même que bon, bah, il y a quand même de la stabilité dans sa vie. Donc, mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que sa saison était. Des fois, il nous fait rager parce que des fois, des fois, en fait, il va te prendre un rebond ou des fois, il va te poser le contre. Et des fois, et là, tu dis, ok, Mitch. Un haut et pense que dans la hiérarchie des pivots à l'est, il s'est positionné comme un mec important au Knicks et dans la conférence Est. Ok. Et alors du coup, moi je suis plutôt sur un B- pour les playoffs. Alors ça peut être vu comme sévère parce qu'il a fait une super série contre les Cavs, hein, là où on avait une raquette Evan Mobley, Jarrett Allen, il les a dominés, donc sur cette première série c'est un super Mitch qu'on a, malheureusement sur l'autre série face au Heat, il se fait manger par du Bam Adebayo, il est plus pris par les fautes aussi, donc ce côté dissuasion et présence au rebond offensif, on l'a moins vu. Donc voilà, j'ai hésité à remettre un B, hein, mais voilà, pour moi, il y a ce côté mince, on finit sur une moins bonne note. Il y a eu du Hake Mitch au lancer franc et il y a répondu très très bien, mais il s'est fait manger sur la série face au Heat. Et si on la perd aussi, c'est parce qu'on n'a plus cette présence au rebond qui permettait d'avoir un supplément de shoot, notamment face aux Cavs. Même si les deux derniers matchs, quand même, il est à plus de 10 rebonds. Hein. Oui. Un match qu'on perd sur le match 6, c'est certain. Un match 5 qu'on gagne à la maison parce que tout le reste de l'équipe a été plutôt bon aussi sur ce match 5. Mais voilà, c'est non, ce côté. Il s'est fait manger par Bam. Bam est monté. Mais parce que Bam, après aussi, en puissance. Un jeu vachement plus fuyant. Ah bah oui. Tout à l'heure, tu parlais de la hiérarchie des pivots dans la conférence Est. Bam, on le met au-dessus. Il est All-Star. Voilà, il a un rôle qui est beaucoup plus important, une utilisation beaucoup plus importante. Mitch n'est qu'un role-player. C'est un titulaire, certes. Son rôle de titulaire, pour l'instant, il n'est pas à remettre en cause, même s'il y a un bon backup et on va venir tout à l'heure. Mais voilà, moi, c'est ce côté. C'est aussi deux catégories de joueurs différents. C'est-à-dire que d'un côté, Bam Adebayo, tu le mets un peu dans la caste de joueurs type un Jokic, par exemple. C'est-à-dire un joueur, un playmaker au poste haut. C'est un très bon passeur et c'est vrai qu'il écarte souvent les défenses. Alors qu'un Mitchell Robinson, c'est plus ben voilà, un protecteur d'assaut à la Gobert. Et c'est pas les mêmes registres de joueurs, on est totalement d'accord. Et qui aime pas trop se jouer parce que ben, les protecteurs de ça, dès que tu es sorti de confort en défense, dès que tu commences à les sortir de la raquette, ben, ça devient plus compliqué. Donc voilà. Moi, et alors toi, du coup, moi, pourquoi est-ce que tu lui mets un plus en playoff? Parce qu'il a produit en fait la même chose finalement. Et même, il a été assez surprenant. Moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse tabasser contre Cleveland. Et finalement, ben, à lui tout seul, à l'intérieur, là, il les a bouffés. C'est vrai, il les a bouffés. Moi, je m'attendais... Contre Cleveland, je m'attendais pas spécialement... Pour moi, c'était vraiment le secteur fort, l'intérieur chez eux. Et en fait, avec ses petits bras, ses petites jambes, il a fait « Non, mais je pense que vous n'avez pas compris, le patron à l'intérieur, c'est moi. » Il l'avait dit, pas en conf de presse, mais en interview dans les vestiaires, en disant « Non, il y a pas... vous inquiétez pas, moi, je suis là, je peux rivaliser. » Et il a montré ce qu'il pouvait le faire. Après, effectivement, voilà. Contre le Heat, tu l'as trouvé, toi, mais correct. Après, contre le Heat, ouais. Après, contre le Heat, tout s'est reposé beaucoup sur Jalen Brunson. Et forcément, tu as un peu l'équipe derrière qui passe au travers. Le problème, c'est que si on doit se baser que uniquement la série sur Miami, JB qui a A et les autres qui ont C moins, quoi. Non, parce que ils ont pas. C'est sur la campagne globale que l'on essaie d'apprécier ça. Et au regard aussi de ce qu'il a montré en saison régulière, est-ce qu'on retrouve le même niveau? Est-ce qu'il step up en playoff? Est-ce qu'il s'écroule en playoff? Voilà. Sur Mitchell Robinson, moi je suis dans le même range. Hein. On parle d'un BB plus, B moins. On est globalement dans la même notation. Mais je l'ai trouvé malheureusement. Voilà, il y a eu le bon Mitch. Et il y a eu le moins bon Mitch parce que l'adversité n'était pas là. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été dans la même délire. Voilà. Il a été dans la même voilà. Okay. C'est-à-dire que des fois il y avait des jours où ça marchait pas top. Une fois tu t'aperçois que tu as besoin de protection de cercle, le faire rentrer, ça va mieux. J'ai trouvé que il a été dans le même état d'esprit. Okay, dans le même registre pour toi. Très bien. Ouais, bah, dites-nous en commentaire les notes que vous auriez mis à notre Mitch. Allez, on va passer sur un autre joueur parce qu'il y en a tout à regarder. Un autre joueur du 5 majeur, et bien ce coup-ci, c'est sur le poste de shooting guard, sur le poste 2. Si la transition veut bien se faire, oui, ça y est, on parle de qui? On parle de Quentin Grimes. Oui, c'était lui qui a squatté ce poste de façon un peu plus durable cette saison. Alors ouais, à la base c'était Evan, en plus il y a eu Cam. Mais bon, le joueur qui a joué 71 matchs sur les 82 en saison régulière, c'était Quentin Grimes. Moi j'ai commencé ma petite notation. Si Seb, tu veux préparer ton ardoise, comme ça on va être prêt pour dévoiler les notes. En saison régulière, je vais donner quelques infos. Donc on est sur 29 minutes de temps de jeu, pas moins d'être 30. Donc un joueur qui a été bien utilisé par Tom Thibodeau, comme quoi on fait jouer des jeunes. Voilà, 11,3 points sur la saison, avec une bonne fin de saison aussi, où il a pu augmenter ses stats. 3,2 rebonds, 2,1 passes. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a un joueur qui est plutôt complet et qui produit dans différents secteurs. En playoff, il n'y a que 9 matchs de playoff. Il y a eu 2 matchs qui ont été loupés. 26 minutes, un temps de jeu qui baisse de 3 minutes. Et puis des stats qui fondent aussi. 5,1 points, 2,8 rebonds. Et le nombre de passes, on est sur 1,4. Donc moi, la notation pour notre ami Quentin Grimes, CCC. Hop, est-ce que l'on voit la note? Oui, non, il faut que je monte. Hop. Alors attends, parce que j'ai évidemment ma caméra qui fige. Alors toi, on voit ta note. Toi, tu es sur un B+. Pourquoi est-ce que ma caméra a figé? Formidable. Alors, bon, je vais vous la faire à l'audio. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On ne me voit plus? C'est bon. Ouais, je sais pas. C'est bon. Sur le retour, je n'ai pas le retour. B et C moins. B voilà. En saison régulière et C moins en playoff. Donc, B en saison régulière et C moins en playoff. Finalement, il est juste dégradé d'un truc entre toi et moi. Ouais. Alors, tu veux commencer sur Quentin Grimes? Bah écoute, Quentin Grimes, on le voulait dans le 5 majeur. Depuis la saison dernière, on en parlait. Attends, on verrait bien quand même Grimes dans cette équipe. Je pense que quand même, au niveau de l'équipe, ça serait mieux. Quand Brunson est arrivé, on a dit, mais comment ça peut jouer Brunson, Fournier, ensemble, en backcourt, compliqué. Au niveau de la défense, c'est pas équilibré tout ça. Il faut un défenseur. Et rapidement, en fait, finalement, Thibodeau a sorti Evan de la rotation, faire un T Grimes, et puis en effet, là, c'est allé beaucoup mieux. Hein. Je veux dire, on a quand même un mec qui défend très, très, très, très bien, et durant la saison régulière, qui a montré que c'était un défenseur solide, mais également, en phase offensive, Et ben, il proposait la même chose qu'Evan, c'est-à-dire du tir à 3 points assez fiable. Je veux dire, durant cette saison, son tir à 3 points est à quasiment 40%. C'est honnête. C'est honnête. Donc, moi, j'ai mis B plus parce que c'est sa deuxième année. On attendait de voir qu'est-ce que ça donnait en titulaire. Ben, on a vu, voilà, un joueur qui tourne à 11 points, 3 rebonds. Il a aussi un playmaking, il sait faire jouer les copains. On a vu notamment durant cette saison une bonne lui et Mitchell qui se crée entre deux. Donc pour moi, le B+, ce serait les encouragements du jeu. On attend un peu plus de toi maintenant à l'avenir. On sait de quoi tu es capable. On aimerait que tu prennes un peu plus souple les choix. Maintenant, on sait que tu as une formation de meneur. Tu peux faire la différence, notamment au drive. Ne te cantonne pas forcément qu'à un tir à 3 points. Tu as un joli poignet, tu as un joli tir. Mais tu peux faire autre chose. Par contre, au niveau de la défense, ne bouge pas, tu es au top. Ok, belle argumentation. Alors bon, moi j'ai quelques problèmes de caméra, comme vous avez pu le voir, c'est pas grave. Si vous avez l'audio, ça fera l'affaire. Donc ce que je disais, effectivement, moi en saison, j'étais sur du B, on l'attendait en joueur de complément. Il a apporté un rôle de complément, donc ça c'est très bien. Des soirs où l'adresse était au rendez-vous, quelques soirs, pas tant que ça, malheureusement. Et par contre, en play-off, donc moi je suis sur un C-. Je me rappelle plus ta note, excuse-moi, parce que j'étais pris par ces problématiques techniques. En play-off, moi c'est C. C'est C. Bon, je suis encore plus sévère parce que, effectivement, il y a eu de la blessure. Il a un peu été, entre guillemets, mis au placard, mis sur le banc par Tom Thibodeau, qui lui a préféré du Josh Hart par moment. Donc ça a joué. Ça a joué sur sa production. Et donc, du coup, il a eu un rôle qui a été diminué, là où on attendait à ce qu'il nous apporte encore ce côté joueur collectif, comme il a pu le faire en saison régulière. Donc, une production qui s'est retrouvée naturellement diminuée. Et sur la fin de la série face au Heat, quand il revient dans le 5, on retrouve un Quentin Grimes qui était fidèle à ce qu'on attendait de la défense, une capacité d'étirer le jeu et de proposer des alternatives à ses coéquipiers, en l'occurrence Brunson et Randle. Voilà, ça c'était pour Quentin Grimes. Mais si je peux juste faire, parce que j'ai pas parlé des playoffs, juste en deux excuse-moi. Mots. Excuse-moi, ouais, juste, vas-y. Pour moi, ces playoffs sont extrêmement décevants. J'en faisais, je crois que c'était lui mon facteur X. Je sais plus si c'était lui ou Quentin mon facteur X pour les playoffs. Vrai. Et il m'a énormément déçu à l'adresse. Pas d'initiative en attaque. Rester dans le corner en attendant que le shoot soit libre. Alors, il n'y a pas que de lui, il y a du coach. Il est arrivé un peu blessé, mais je l'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu le vrai en playoff. Un coup déçu. T'imagines, c'est quand même un joueur qui passe de 11 points à 5, qui passe de 40% quasiment à 3 points à 24% à 3 points. Ça a été un naufrage. Ces playoffs ont été un naufrage complet. Pourtant, il se retrouve quand même avec 26 minutes de temps de jeu, un peu moins. Il avait quasiment 30, alors il a 4 minutes de moins. Mais pour moi, ces playoffs ont été un naufrage pour lui, ont dû être un calvaire. Maintenant, il connaît les axes sur lesquels il doit bosser. C'était quoi. Voilà, c'était pour Quentin Grimes. Voilà, on est de retour. Il y avait des problèmes techniques. On a essayé de les résoudre. Désolé pour la qualité du stream, de l'émission. J'espère que la bande-son sera bonne, au moins. Là, ce coup-ci, on va retrouver un peu de fluidité dans les mouvements de tête, dans les mouvements d'ardoise. Et on change de joueur. On a fait le tour maintenant complet de notre starting five. On va passer à nos joueurs de banc et pas le premier, par le premier, entre autres. On va parler de IQ. IQ sur lequel on a aussi une saison en deux parties. Alors si j'écrivais à droite, ça ferait l'affaire. Comment est-ce qu'on a vu, on a apprécié cette saison de IQ et comment on a trouvé ces playoffs. Voilà, donc hop. Aïe, aïe, aïe. Autant toi, c'était Quentin Grimes, ton Factor X. Moi, c'était IQ sur les playoffs. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Comment on a noté? Moi, j'ai noté un A en saison régulière. Toi, tu as mis un A moins. OK. Et j'ai mis un D. Toi, tu as mis un C moins en playoffs. Voilà. Et bien, effectivement, IQ, il était meilleur en saison qu'en playoffs. On est dans le même constat. On n'a pas tout à fait la même notation. Ouais, Qui veut à chaque fois, t'as commencer? vu, c'est. Parce que moi, si c'est un. Moi. C'est juste à chaque fois le petit grade. Hein, parce que si c'est assez moins, si c'est un dé, on est dans le même range. Ça va. On a vu à peu près la même chose sur cette saison. Bon, je vais commencer. Donc, oui, IQ, pourquoi est-ce que moi je mets un A en saison régulière? Voilà. On savait qu'il y avait Jalen Brunson, qui était un joueur attendu et qui a produit beaucoup de choses. Mais on a eu un IQ qui s'est révélé, qui a fini par se révéler. Il y a eu une petite phase d'adaptation en début de saison, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'incompréhensible. Bah, qui s'est révélé être tout simplement son backup. C'était le meneur backup de Jalen Brunson, qui était aussi en capacité de jouer au poste 2, qui était en capacité de jouer avec IQ, qui était en capacité de finir des matchs, qui était en capacité de défendre. Bref, on a eu un Emmanuel Quickley qui continue son développement à New York. Voilà, c'est un joueur, il faut le rappeler, qui a été drafté relativement bas. Vous vous souvenez bien sûr du fameux D+, voilà, le soir de sa draft. Eh bien, IQ, il a montré de belles choses. Il a tellement montré des belles choses cette saison qu'il était en discussion pendant relativement longtemps pour le titre de meilleur sixième homme de l'année. Alors oui, en fin de saison, il a commencé à gratter des places de titulaire parce que Brunson était blessé. Et il a obtenu du temps de jeu et il a obtenu de très belles performances. Je crois qu'il nous fait un match à 40 points, si je ne dis pas de bêtises, IQ, cette saison. Hein. Il me semble. Mais voilà, en tout cas, c'était un joueur qui a apporté ce côté frais, ce côté dynamiseur, électron libre, et aussi en capacité de faire jouer ses coéquipiers, parce que on évoque un joueur qui peut être un meneur backup. Il est quand même à 3,4 passes en sortie de banc. C'est pas mal pour un joueur qui produit aussi au scoring. Donc voilà, c'est pas juste je score, je score, je score, et puis je me fais remarquer parce que du coup je m'accapare le jeu en sortie de banc. Non, non, il a dû composer avec différents joueurs en sortie de banc. Il a dû composer aussi avec du starting five, et à chaque fois qu'il a été présent sur le terrain et qu'il a eu un temps de jeu conséquent, il y a eu quelques matchs où il est passé au travers, mais en dehors de ça, il a été très productif et un joueur qui était compliqué à défendre pour les défenses adverses. Donc voilà, donc il nous a fait kiffer. Moi, il m'a fait énormément kiffer sur cette saison régulière. On parlait tout de suite de lui donner un super gros contrat, pourquoi pas 100 millions de dollars en extension. On va se calmer, on va se Non mais calmer, on va se calmer. Mais faut voir les playoffs, faut voir les playoffs, hein, parce qu'il y a eu ça douche semble chaude. gourmand ce qu'il demande. Douche chaude en saison régulière, mais douche froide sur les playoffs. Playoffs, moi Sur j'ai la mis un D saison, parce que ce qu'il demanderait. ouais, faut voir, parce que c'est un joueur voilà drafté en fin de premier tour, mais il montre de belles choses, et s'il montre de belles choses à New York, il y a aussi d'autres general managers qui vont voir et qui pourraient croire en un potentiel de Quickley. Est-ce que c'est un futur Terry Rozier qui, si on lui donne les clés des responsabilités, du moins d'une franchise, peut se montrer être un 20-20-10 de façon assez régulière, et 10 étant à la place. À voir, à voir. Mais en tout cas, c'est un joueur frais, sympathique, un joueur d'équipe aussi, et qui a été une pièce primordiale dans la belle saison régulière des Knicks, parce qu'en sortie de banc, on pouvait compter sur du IQ assez régulièrement. Malheureusement, j'enchaîne directement avec ma partie playoff. Moi, je mets un D parce qu'on l'a pas du tout retrouvé tel quel en playoff. Alors, il y a deux séries. Il y a la série face aux Cavs où on avait un back court qui était une partie importante du dispositif des Cavs. Mais en sortie de banc, voilà, c'était qui ce IQ? C'était pas le IQ qu'on a vu en régulière. Alors, c'était peut-être ses premiers playoffs avec un rôle important. Il avait déjà connu la campagne face aux Hawks. Il y a 2 saisons de ça, il était rookie à l'époque, voilà, donc il y avait beaucoup moins d'attentes vis-à-vis d'IQ. Là, on s'attendait à ce que le banc soit aussi une force des Knicks en playoff, et par l'intermédiaire de Quickley, ça n'a pas du tout été le cas. Il a semblé hésitant à prendre des tirs, il a semblé être attendu par les défenses et s'empaler dans la raquette. Enfin voilà, un IQ pas du tout inspiré, pas du tout productif, 9 points de moyenne. 1,4 rebonds, une passe, mais surtout un temps de jeu qui diminue, hein, il passe à 22 minutes, il perd quasiment 7 minutes dans son temps d'utilisation en playoff, 9 matchs aussi, il a manqué, il a été blessé sur la fin, est-ce que avec un IQ tout de même présent qui est une menace avec ou pas de la réussite, est-ce que les Knicks auraient pu accrocher un match 7, est-ce qu'il aurait pu apporter une alternative quand certains joueurs du 5 majeur étaient un peu défaillants? C'est possible, mais en tout cas, voilà, on reste sur des playoffs qui sont pas bons pour IQ. C'était ses premiers playoffs avec un rôle important. Voilà, on va pas tirer un trait sur son avenir à New York, mais il nous doit une revanche, peut-être la saison prochaine, peut-être au playoff prochain, pour Quickly. Voilà, donc pour ça, je suis sévère, mais j'en entendais mieux, nettement mieux. Il n'a pas du tout répondu au même titre que la seconde unit, et il est le leader de la seconde unit. Donc désolé, IQ. C'est un D. Et toi? C'est ça. Bah écoute, moi, donc j'étais sur un moins. Parce que sur la saison régulière, j'attendais un effet de IQ, ses coups d'éclat. Et tu vois, le début de la saison, je me suis dit, bon, ben voilà, enfin, tu vois, au début de la saison, il a tâtonné, on le retrouvait pas. Un peu comme l'année dernière, tu sais, pareil, ils avaient fait Et puis en fait, après, il est arrivé à lancer la machine. Et là, ça a été un vrai élément déterminant de cette seconde unit. Quand RJ, seconde unit, ce n'était lui. C'était Quickly le leader plutôt qu'RJ, quoi. Et c'était un vrai mec qui a réussi des deux côtés du terrain. Parce que ça, c'est à souligner. Parce qu'il a énormément step up en défense. C'est-à-dire, il a passé quand même un niveau haut en défense. Il sert un très grand gabarit, même si bon, voilà quoi, il mesure quand même, je crois, c'est quoi, c'est 1m90, bon, c'est quand même. Non, mais il a une belle envergure, il a une belle mobilité, et c'est ce qui fait que Thibodeau s'en sert en fin de match. Ouais, un vrai chien de défense. Et offensivement, avant, il avait son petit. Maintenant, il a autre chose, il a d'autres moves, et une meilleure gestion du tempo. Et j'ai trouvé que il avait cette année un niveau, et c'est pour ça que j'ai mis la note de A, parce que je m'attendais pas spécialement à plus de choses que de ça de lui, et finalement il m'a super surpris, agréablement surpris, parce que j'étais amoureux de lui, quoi. Chibi, mais il y avait lui, j'aimais beaucoup. Alors après, on m'a dit à acheter son jersey pas, attends, son jersey cet été, c'est vrai que cet été, pourquoi pas. Mais en tout cas, Quickly, super saison d'ailleurs, jusqu'au bout dans la discussion du sixième. Parce que alors, c'était peut-être un peu juste, mais c'est vrai que même en termes de comment ça s'appelle, de MIP, bonne raison. Mais en tout cas, voilà, très très très très belle saison régulière de sa part dans tous les aspects du jeu, que ça soit défensif, offensif. Prise de risque, prise de décision dans les tirs, moins de tirs casse-croûte, moins de tirs déchets, non, plus de drive, et il allait plus chercher un cinquième, peut-être plus croqueur et moins passeur, mais à côté de ça, voilà, il a tellement réussi à d'autres IQ super, et c'est d'autant par rapport à cette super saison que on est tous du sixième étage face au piètre playoff qu'il nous a proposé, parce qu'on attendait ses standards de saison régulière, et on a retrouvé le IQ de début de saison, c'est-à-dire celui qui était là, qui scorait avec des pourcentages plus ou moins aléatoires. Voilà, donc ces playoffs sont vraiment à oublier, parce que c'est bête. On aurait bien aimé avoir au moins une quatrième force offensive, parce que on a eu un RJ, bon, il s'est raté sur 2-3 matchs, mais après il a quand même répondu présent. On a eu un Julius qui était en mode, voilà, ça marche pas. Mais en sortie de banc, on aurait aimé avoir une vraie force de frappe qu'on n'a pas eue. Et ça a manqué. On n'a jamais eu durant ces playoffs. Indéniablement, ça a manqué. Et donc, c'est pour ça que je lui ai mis C-. Il a vraiment dégringolé. Il passe de A à C-. parce que ces playoffs sont horribles, au même titre que Quentin Grimes, leurs playoffs ont été désastreux, quoi. Donc à oublier, ou en tout cas à regarder pour et à regarder ce qu'il y a des choses à améliorer, mais ce sont des garçons intelligents et des bosseurs, ils reviendront des bosseurs plus fort la saison prochaine. Comme dit Tim souvent, we win or we learn. Là, j'espère qu'ils ont appris pour le coup. Ouais, mais effectivement, et puis, comme il disait, hein, ce sont des rats de gymnase. Gymnase, ils ouais. sont... Donc, voilà, ces garçons vont rebondir, c'est sûr. Et ils doivent une revanche par rapport aux playoffs. Mais sinon, saison rire au plus que parfait, presque. Au On presque va pas quitter... plus que parfait. Ouais, on va pas quitter le train Quickley, hein, on l'abandonne pas, mais il nous doit une revanche, il nous doit mieux. Hein, il nous doit mieux. Ah oui. Allez, on va passer à un autre joueur, son compère de la draft, monsieur Obi Toppin, alors un registre complètement différent. Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'est-ce qu'il nous a produit en saison régulière, ce Obi Toppin? On sait qu'il était toujours en rotation derrière un monsieur... Julius Randle. C'est toujours compliqué la situation d'Obi Toppin. Est-ce que la carrière, elle va se faire, elle va se continuer, elle va se poursuivre à New York? En tout cas, avant de révéler vite fait les notes, je vous donne les éléments chiffrés. Donc, Obi Toppin, on est malheureusement sur un temps de jeu court, 15 minutes, à peine 15 minutes en saison régulière, 67 matchs, 7,4 points. C'est pas si mal que ça pour le peu de temps de jeu qu'il a eu. Un temps de jeu qui est monté, bien sûr. Sur la fin de la saison et les stats qui augmentent à ce moment-là, 2,8 rebonds, une passe par match. En play-off, on est sur 11 matchs, 15,9 minutes, il y a un peu plus de temps de jeu, 7 points, 3,5 rebonds et 0,6 passes. Eh bien moi, la note, je suis désolé, Obi, je te mets un C en saison régulière, c'est pas beau, hein. Bon, toi tu mets un C+, ok, et j'ai mis un B en play-off, toi t'as mis un C, voilà, donc joueur moyen. Tu veux commencer? Je commence. Vas-y. Bon, après, il n'y a pas non plus des choses. On va pas épiloguer sur Obi. Oui, hein. Obi, c'est un backup d'All-Star. Il récupère ce qu'on lui donne. Alors, des fois, il va y avoir des matchs où il va être en réussite. Et puis les gens vont dire ah, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a la place de Julius? Et puis, des fois, on voit ce qui se passe. On voit que Obi, il a un déficit de move. Qu'il a du mal aussi à peser sur une attaque, que défensivement c'est compliqué. Alors oui, il met peur, hein, Obi, hein, ça c'est évidemment, il met du cœur, il met de l'envie, hein, mais des fois ça suffit pas. Obi, c'est un bon joueur de rotation, ça, pour moi ça ne sera jamais un titulaire, ou en tout cas pas au Knicks, mais je le vois mal titulaire dans une autre franchise NBA. Pour moi c'est un mec de rotation, mais... voilà, ouais. Qui après il faut avouer que Tibbs ne le fait pas forcément jouer dans son registre. Mais maintenant, est-ce que son registre, c'est pas un spot-up shooter? C'est pas. Il a montré qu'il pouvait shooter à 3 points. Hein. Il avait, par certains soirs, le meilleur pourcentage à 3 points du reste de l'équipe. Je veux dire, son spot dans le corner, il le maîtrise assez bien, quoi. Mais après, il pèse pas plus que ça en attaque. Oui, des fois, il va nous faire kiffer sur un alley group, sur un truc. Voilà, c'est pour les hobbies, c'est... Voilà. C'est pas insignifiant, parce que c'est quand même un mec qui a ses 15 minutes de temps de jeu. Et puis, je sais aussi l'argument. Oui, mais regardez, quand on lui a donné plus de temps de jeu, il a montré plus. Oui, si vous voulez. Il faut voir aussi l'adversité dans laquelle les minutes lui ont été données. En fin de saison, il a eu plus de temps de jeu. Mais c'était des matchs entre guillemets qui comptaient plus trop. Voilà, Juju s'était blessé. Il y avait une qualification qui était assurée. Voilà, une place 5 qui était assurée. Donc très bien qu'il puisse profiter de ce temps de jeu-là. On l'avait vu en fin de saison dernière aussi dans le même genre de contexte. Il avait produit à ce moment-là. Mais voilà, sur les matchs où ça compte, malheureusement, il est souvent pénalisé pour sa défense. Alors quand on met un Julius Randle devant, c'est pas là où on gagne en défense. Mais voilà, on n'a pas un joueur qui est un créateur, on a plutôt un joueur qui est en finition, donc qui est à utiliser différemment. J'ai pas vu énormément de connexions avec Brunson. Hein, Brunson était le meneur principal de toute cette escouade. Non, et il a perdu celle qu'il avait avec IQ. Voilà, et c'est en ça où moi je mets un C. J'aurais pu mettre un B parce que finalement on n'attendait pas grand chose de Obi. et il nous a fourni du hobby. Mais ces connexions qu'il pouvait avoir par le passé avec les meneurs, en l'occurrence Derrick Rose, bon bah là Derrick Rose, hein, mais voilà, il n'avait pas vraiment cette relation avec ces joueurs-là, il avait peut-être meilleure relation avec du R.J. Barrett. Mais autrement, voilà, c'est un joueur qui est plutôt dans la finition et qui se retrouvait à être, comme tu le dis, en spot-up shooter au large et à prendre des shoots de temps en temps. Donc une utilisation qui est quand même relativement réduite, un temps de jeu qui est réduit. L'avenir, quel est-il pour Obi à New York ou en NBA, c'est bien compliqué. On aura l'occasion d'en parler. Oui, ça m'a en NBA, mais tu lui trouves un rôle qui est un rôle voilà, de rotation de 15-20 minutes. Quoi, mais c'est un candidat. Lui donne aujourd'hui, c'est un candidat. Donc voilà, donc ça sera un des sujets qui sera à traiter cet été. On aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail sur un prochain épisode. Mais là, voilà. Et pour les playoffs, moi j'ai mis un B. Toi, tu as mis un C ou tu es resté dans du C? Moi, j'ai mis C. Parce qu'au final, il ne m'a pas produit plus que, ni moins que ce que j'ai pu voir sur la saison. Donc voilà, oui. Il n'a pas eu un niveau qui s'est révélé plus fort, ni il ne s'est pas écroulé. Finalement, il nous a fait du hobby en saison comme en playoff. Donc voilà, donc, je suis resté sur du B. Oui, j'ai peut-être été sévère sur la note en playoff, mais. Parce qu'en fait, c'est pas lui le game changer, quoi. Tu vois. Non, clairement Obi, pas. Mais c'est pas lui le game changer. En joueur de banc, est-ce qu'il a tenu son rôle? Je serais tenté de dire que oui, sans plus, sans moins, par rapport à la saison. Il a fait deux belles sorties à 12 et 18 points, mais après, bon, 9, 7, 8, 5, 4, 0, 2. 7, allez, bon. Allez, on va pas plus s'attarder sur Obi. On va parler d'un autre intérieur. Est-ce que si cet intérieur, il est plutôt allemand, il porte le numéro 55. Allemand. C'est pas... Allemand, oui, enfin, américano-allemand. Je crois qu'il a la double nationalité. Mais on va dire qu'il est allemand. Mais je crois qu'il joue pour l'équipe d'Allemagne, hein, en plus. Je sais plus. Il n'a pas dit que la Coupe du Monde, il allait la faire pour... Mais, j'avoue, je n'ai pas vérifié. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Attends, je lui envoie un texto, je lui demande. Salut. Hartenstein... pas évident à noter. Il est né dans l'Oregon. Il est, né à... ouais, il est américain. Il, est né dans... il a la double nationalité. Donc, il aura moins de place, moins de chances de postuler en Team USA que que avec la sélection la Mannschaft. Ouais, c'est la Mannschaft aussi pour les Allemands. Un Hartenstein qui a joué 82 matchs, c'est assez rare pour le signaler. Il a fait l'ensemble des matchs de la saison, 19,8 minutes, donc voilà, un temps de jeu relativement correct en sortie de banc, 5 points, 6,5 rebonds, une belle présence au rebond, 1,2 passes. En playoff, on est sur 11 matchs, 20 minutes, donc on est sur le même temps de jeu, 3,1 points. Ouais, 4,6 rebonds, et bah, du coup, je vais changer un peu ma notation par rapport à ce que je suis en train de lire. et 1,3 passes. On révèle, on retourne les ardoises. Hop, hop. Donc, moi, je suis sur un B en saison régulière et un B-. Toi, tu es sur un B+, et un C+, en play-off. Voilà, donc, on est globalement sur une baisse d'appréciation entre la saison et les play-offs. Bon, globalement, on est content de cet apport, de cet ajout, de ce renfort sur le banc en rotation de notre ami Mitchell Robinson. Moi, j'avoue que j'attendais pas grand-chose. Ça se fait en deux temps, ouais. J'attendais pas grand-chose de Hartenstein. Il a mis du temps un peu à trouver sa place et il l'a dit aussi. Voilà, on s'attendait à un pivot blanc, passeur, shooter à 3 points parce qu'on nous avait dit qu'il pouvait prendre des shoots. Finalement, il en a très peu pris au large. Il a plutôt été présent dans le rôle du passing game. Il avait ce petit hook, cette petite main proche du panier, mais qu'il a mis du temps un petit peu à trouver ses repères au Garden. Je ne sais pas si la lumière par rapport... à la crypto à Los Angeles était complètement différente et il a eu besoin de s'adapter, mais il a mis un petit temps à s'adapter, il a mis voilà, et certains étaient prêts à le faire repartir, dont toi je crois, tu étais prêt à l'emmener avec C'est pour ça que je te dis que c'est un JFK. Donc un début de saison où j'attendais pas, mais j'étais déçu, et puis finalement il s'est révélé, il s'est retrouvé à l'aise, il a apporté cette grinta, on l'a vu exulter sur 2-3 moments et c'était très sympa, il a apporté cette énergie, cette niaque, il a apporté du contre, oui. Donc ce côté rim protecteur qu'on n'avait pas avec lui, ben on a fini par le trouver en fin de saison. Et une belle bestiole, C'est une bonne bestiole. Et il a trouvé sa place. Et il est assez physique, mine de rien, même s'il n'est pas très grand. Ah oui, quand même. Hein. Par rapport à d'autres pivots, il tient bien son visage. 2m13 quand même, Toto. Oui. On dit ça du haut de nos 1m80 et quelques. Oh, il est petit. Non. Mais non, tu mais sais, c'est ça... mais, comme je te dis, pour moi, c'était un 2-point Hartenstein. C'est premier tiers de la saison. Très décevant. De se dire, mais c'est qui ce gars-là? Et en fait, je pense que Thibodeau était aussi responsable. C'est-à-dire qu'il voulait le faire jouer un peu comme un meneur traditionnel, comme un pivot traditionnel. Et je pense que aussi, il s'est adapté à lui. Bon, preuve aussi de l'intelligence quand même du coach, hein, en voyant que ce type-là, parce qu'on le voyait clairement, qu'on jouait différemment que quand il y a Hartenstein et quand il y avait Mitchell Robinson qui était sur le terrain. C'est-à-dire que là, Hartenstein, souvent, donc il jouait au main à main au large. Et ouais, souvent même, il était plutôt en poste haut, plutôt qu'en poste bas, comme quand c'est Mitchell qui, lui, attend plus de récupérer les rebonds. Donc, tu vois, je pense que clairement, Thibodeau a bien remarqué, mais en même temps, c'est un mec... C'est adapté à son joueur, c'est adapté à son joueur. Et oui. Et, mais je pense qu'au début de saison, il a voulu un peu le faire. Il y a peut-être une discussion en interne entre le joueur, les coachs et compagnie, en disant, mais vous savez, moi, je suis peut-être pas forcément très à l'aise comme ça. Moi, j'aime plutôt jouer comme ça. Et puis... En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais on a vu l'évolution dans son utilisation. Et là, donc, on a fait « Ah, mais Hartenstein, c'est sympa, en fait. C'est sympa. Finalement. C'est sympa, ouais. Les passes dans le backdoor. C'est pas... Même ses contres. C'est sympa, ouais, son petit flotteur, là, dès qu'il allait le trouver, qui était quand même assez mécanique, hein, qui rentrait facilement. Et c'était un très bon pendant, ben voilà, à Mitchell Robinson. Deux joueurs complètement différents. Qui proposait des choses complètement différentes, mais qui avait la même envie. Et Hartenstein, on ne pourra pas lui reprocher aussi cette grinta. Hein, cette combativité qui était chez lui. Non. Il a su gagner au fur et à mesure le cœur des fans. Et Hartenstein, très belle signature cet été, qui a eu du mal à se décider, mais qui à la fin, en tout cas, a su s'imposer à nous. Et voilà, super, super mec, super défenseur. Super content de sa saison au final. Par contre, ses playoffs, comme à l'image de l'ensemble de la seconde unité de l'équipe, c'est en retrait. Donc moi, j'ai mis un B-. Voilà, une petite. On le retrouve aussi dans ses stats, des stats qui sont en recul, malgré un temps de jeu qui se maintient. Alors oui, on passe à un autre niveau de jeu quand on joue en playoff par rapport à la saison régulière. C'est pas les mêmes adversaires, c'est pas la même concurrence. Mais voilà, il s'est trouvé, à mon sens, un peu plus effacé parce que les match-up étaient plus forts et on n'a pas eu un rayonnement extraordinaire de Hartenstein. Il n'a pas pu faire la différence parce que la seconde unité n'arrivait pas à faire la différence. Et finalement, c'est un joueur d'équipe qui va aller bien quand ses coéquipiers vont bien se porter et qui ne va pas faire un déclic supplémentaire pour faire passer un cap à ses coéquipiers quand le reste ne tourne pas bien. Donc voilà, moi j'ai mis ça un peu en retrait. Voilà, on n'attendait pas non plus que ce soit la pièce principale de la seconde unité, mais il a sombré au même titre que la seconde unité. Donc voilà pourquoi moi j'ai mis un B-. Et toi, tu as été sur du C+. Bon, ouais, non, on est dans le même range. Voilà. On est dans le même range. Toute l'équipe, voilà. On a vraiment un joueur qui a rayonné. Et après, on a d'autres joueurs qui, au fur et à mesure, se sont effacés. Et voilà, Einstein, on l'a pas. Même blanc. C'est-à-dire peut-être tétanisé par l'événement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, sa saison régulière était une vérité. Il va nous rester un joueur. Il va nous rester un joueur avec lequel la connexion s'est bien opérée. Ce joueur, c'est Josh Hart. Arti. Il y a Arti et il y a Hart. Donc voilà, il y avait tout Hart à un moment donné. Même. Et d'ailleurs, les deux marchaient bien ensemble. Hein, les deux. Une belle connexion entre les deux. Alors, Josh Hart, on le sait, il est arrivé en cours de saison régulière. Contre Kyle Cam. Kyle Cam. et du coup, Josh Hart... Je vais t'embêter pour sa notation. Hein. Non, bon, on va y aller. On va pas prendre le dos de la cuillère, comme on dit, je ne sais plus quelle est l'expression. Josh Hart, on a pareil, on a un joueur qui arrive en fin de saison régulière, qui s'acclimate assez vite, qui retrouve le poteau Jalen Brunson. Josh Hart en stat, ça nous donne quoi? Josh Hart en stat, je vous le dis ça, ça défile en dessous sous le bandeau, mais je n'ai plus l'info sous les yeux. On est à 67 matchs en saison régulière. Bon, je le disais, c'est bon. 67 matchs en saison régulière, mais il y en a moins avec les Knicks. Avec les Knicks, ils jouent combien de matchs? Tu peux nous dire peut-être 25. Donc, 25 en tant que starter. Bon, c'est après la trade deadline, mais au global, on est sur 15 minutes entre 15,7 minutes entre les Blazers et les Knicks. Donc un rôle clairement en sortie de banc. 7,4 points, 2,8 rebonds, une passe au final sur sa saison régulière sur les deux franchises. 15 minutes, tu dis? Ouais, 15,7 en moyenne sur l'ensemble de sa saison. Sur basketball référence, moi j'ai en termes de minutes jouées 33,4 pour les Blazers et 30 pour les Knicks. Bon, eh ben, en termes de minutes. En saison régulière? En saison régulière. Bon, eh ben, j'ai un erreur de copier-coller, c'est pas grave. Bon, tenez pas compte de ça. J'ai 33 avec les Blazers et 30 avec les Knicks. Ok, pour, okay, c'est pas grave. Pour. 50% et 50% risk to shoot avec les Blazers et quasiment 60% avec les Knicks. Après, je sais pas si c'est la même chose que tu as. En points, j'ai 7,4. En points, combien? 7,4 de moyenne. Avec qui? Au global, en régulière. Bon, c'est pas grave. Alors, on va pas... avec Portland, j'ai 9. Et avec les Knicks, j'ai 10,5. Bon, oubliez mes stats, oubliez le bandeau des stats, c'est pas grave. Ce qu'on va retenir, en tout cas, de notre ami. ouais, mais à préparer 15 joueurs, eh ben, j'ai dû avoir un copier-coller malheureux sur d'autres joueurs. C'est pas grave. En tout cas, les playoffs, normalement. Mais c'est peut-être ce Dobby, ça ressemblait beaucoup à ce Dobby. ouais, peut-être. On va pas s'attarder sur les chiffres. De toute façon, si vous les cherchez, vous savez où les trouver sur les plateformes. Au final, on va surtout parler de notre appréciation, de notre ressenti sur le joueur. Donc, un joueur qui est arrivé à la surprise générale, c'est pas forcément le nom qu'on attendait. Quand Jalen Brunson l'a découvert comme nous sur les réseaux avec les notifs, oh, il y a la fameuse scène de Villanova pour le retrait. Ouais, oui, ça parlait d'OG Anunobi, ça parlait de Jay Crowder, ça parlait d'autres joueurs, mais au final, on a un apport d'un joueur qui a de l'expérience en NBA, en saison régulière, pas en playoff. Il n'avait pas fait de playoff jusqu'à présent, malgré être passé par les Lakers, par les Pels, par les Blazers. Donc voilà, donc un nouveau joueur, un profil plutôt backcourt, post 3-2-3, qui porte le numéro 3, parce que le numéro 3, que voulez-vous, il est parti là-haut. Donc, John Starks, voilà, aujourd'hui, son numéro peut être utilisé, et Josh Hart. John Stark, Josh Hart, wow. Vous voyez le lien, bah, il l'a repris et il a été plutôt digne parce que c'est un joueur qui a été dans la combativité, qui a été tout de suite en totale réussite à New York. Quand il est joué, les Knicks gagnaient. Donc on a enchaîné une série de victoires avec l'arrivée de Josh Hart. Il n'avait pas perdu. On se dit, bon, bah, c'est super, on va finir la saison invaincu après la deadline. C'est rentré un peu dans le rang au bout d'un moment. Mais voilà, il nous a apporté tout de suite de la combativité, du rebond, ça on le savait, et pour un joueur du backcourt, c'est plutôt intéressant, du 3 points un petit peu, mais un côté vraiment 3&D, slasher, l'interception de la combativité, donc ça c'était dans le pur esprit New Yorkais Knicks, donc ça allait très très bien, il y a les célébrations avec les bras enlevés, en l'air et tout, la communion avec le public du Garden, donc ça a été formidable sur la régulière. Sur les playoffs, moi je mets... On n'a pas donné les notes. Eh ben, on va mettre les notes. Hop là, tac. Ah. Alors moi, je suis sur un A. Eh ouais, un A en playoff, donc en régulière, pardon. Et un C en playoff. Toi, t'es sur un B. Donc j'ai été plus sévère. Bon, on partage le même constat et je vais te laisser détailler après sur la régulière. Mais effectivement, sur les playoffs, j'ai eu l'impression qu'il voulait jouer un peu un rôle qui était plus grand que lui. On ne l'a pas trouvé avec la même réussite, beaucoup plus à vouloir faire le hero ball, à foncer des fois tête baissée, que ce soit contre les Cavs et encore plus contre le Heat. Il y a ce côté grande bouche, joueur qui est investi en termes d'énergie, mais qui discute beaucoup et peut-être trop avec les arbitres, qui se prend une technique quasiment systématiquement à chaque match. Je ne dis pas que ça change la donne, Clairement pas, mais voilà, on est sur un joueur de caractère, et tant mieux, il y a besoin de ça aussi des fois pour bousculer un petit peu les lignes, pour donner un supplément d'énergie en sortie de banc. En play-off, bah, Thibodeau, à un moment donné, a cru qu'il pouvait faire la différence et l'a positionné dans le starting 5 quand Quentin Grimes était sur la touche. Et finalement, le Josh Hart en starting 5, c'était pas forcément le Josh Hart rayonnant qu'on pouvait avoir en second unit. Et quand il l'a remis en second unit, bah, j'ai l'impression qu'on l'avait un petit peu perdu, quoi. On avait perdu le bon Josh Hart de saison régulière. Donc c'est pour ça que moi j'ai été peut-être un peu sévère en mettant un C en playoff, parce que je m'attendais à ce qu'il puisse élever le niveau de jeu de la seconde unit. Finalement, il était dans le starting 5, donc on perdait de son apport en seconde unit. C'est pas que de son fait, mais en même temps, quand il était sur le terrain, il n'y avait pas forcément des très bonnes décisions de prise. Je l'ai vu beaucoup foncer, tête baissée en mode tunnel vision. Bon. Donc non, j'ai été un peu déçu par ces playoffs. C'est pas pour autant que c'est un joueur qu'on va ne pas souhaiter revoir, clairement pas. Il arrive en fin de contrat. On aura l'occasion d'en parler de son avenir dans une prochaine vidéo. Mais voilà, un petit peu déçu par ces playoffs, au même titre qu'un Quickley, qu'un Grimes. J'attendais mieux, même si il a oscillé, il a varié du starting 5 à la seconde unit. Il a été bon sur Donovan Mitchell, il a été peut-être moins bon sur les joueurs avec qui il avait des match-up face au Heat. Donc voilà, c'est pareil. Les Knicks sont sortis et donc se sont fait battre par une équipe plus forte. Et pour autant, il avait des avis vis-à-vis en défense contre le Heat qui me semblait être à sa portée. Donc voilà, donc pour ça je suis plus déçu par ses playoffs que sa régulière. Sa régulière, c'était super. Ses playoffs, un peu moins bien. Et toi? Bah, écoute, moi j'ai mis A et B, hein, saison régulière et B off. Bah, A déjà parce que, bah, comme tu dis, c'est un mec, on s'attendait pas à sa signature. Cependant, c'était quand même quelqu'un que moi j'avais déjà suivi plus ou moins quand il était aux Lakers, parce que bah, ça avait été la même draft à l'époque que les Lonzo Ball, que les Kuzma et lui. Et finalement, en fait, des trois, c'était lui le meilleur sur les trois draftés des Lakers de cette époque. Voilà, il a au Blazers, il a quand même pas mal bourgué, hein, bourlingué, il a 27 ans. Donc, on l'attendait pas. Et puis, en fait, quelque part, c'était pour ce temps. Parce que ben, il correspondait tellement bien à l'état d'esprit new-yorkais, au jeu new-yorkais. Tout simplement à la culture Knicks, que quelque part c'est un peu comme si il était fait pour ça, il était fait pour cette équipe, et il a tout de suite été adopté, comme tu dis, par son envie, par ses cris, par ses gestes, par ses dehors, par ses machins. Et donc voilà, c'est quand c'est arrivé, c'est pour ça que moi j'ai mis A, que, bah, tout de suite très bon et tout de suite super défenseur, un rebondeur exceptionnel en bas courte. C'est pas souvent que on a quand même un rebondeur en bas courte qui récupère au moins une dizaine de rebonds par match, hein. C'est quand même assez ça court pas les rues, c'est pas commun. Après les playoffs, un B, je lui ai mis un B en playoffs parce que contre Cleveland très bon, contre Miami très nerveux. Contre Cleveland, il nous a fait gagner des matchs, il nous a fait gagner des matchs par sa défense, par son adresse aussi, hein. il a été assez bon, je veux dire, quand tu regardes sa série contre Cleveland, c'est quand même 45% à 3 points, c'est 12 points par match, c'est plus d'une balle volée, 7 rebonds, enfin quasiment 8, donc très des très bons playoffs contre Cleveland. Mais contre l'équipe Miami, s'est effondré contre Miami. Où on l'a pas reconnu, donc il a starté, ça a pas marché, on a remis Grimes, ça s'est un peu équilibré, mais bon, voilà, il découvrait, comme tu dis, les playoffs. Moi je lui ai mis un B, pas un C, parce que je veux pas me focus que sur la série de Miami, je veux aussi voir ça dans l'ensemble, et dans l'ensemble, il y a la série comme contre Cleveland, où on avait le désavantage du terrain, où on avait beaucoup, on était pas. Et on a su répondre présent, et notamment Hart a su répondre présent. C'est quelqu'un sur qui il faut miser à l'avenir, et moi je suis pour évidemment pas à n'importe quel tarif. Après, c'est pas moi qui sors l'oseille, c'est ça. Mais, mais voilà, très belle. On a entre Tu avais Cam Reddish et quand en fait on avait à nouveau un mec qui pouvait sortir du banc. Et Josh Hart a parfaitement résistant. En plus, c'est le poteau de notre leader. Oui. Que demander de plus? Que demander ça, de là-dessus, plus ça là-dessus, en termes de feeling bien passé, il n'y a aucun doute sur cet aspect-là. Mais voilà, moi le C, c'est plus dans l'esprit de n'attendons pas trop de lui. Oui, c'est un très bon joueur. Oui, il peut apporter, mais il ne faut pas en faire un joueur, un game changer de notre équipe. D'où aussi le prix. Il faudra trouver le juste prix. Attention à ne pas le surpayer, à ne pas trop attendre de lui, parce que il peut très bien produire, comme au contraire passer au travers. Donc voilà, c'est un role player, un joueur de rotation. Il faudra bien l'avoir en tête au moment de signer les extensions de contrat. Voilà, voilà. Donc c'est ainsi que se termine la review de nos Knickerbockers de cœur. Les 9 Knickerbockers qui ont le plus joué cette saison. Donc on le dit, certains joueurs ne seront pas passés à notre révélateur de la petite ardoise. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les notes que vous verriez pour ces différents joueurs. Il y en a beaucoup. Une petite note saison régulière, une petite note play-off, parce qu'on le voit, les niveaux de performance ne sont pas les mêmes, et que focusser sur les play-offs n'est pas révélateur de la saison, et inversement. Il y a une autre émission qui arrivera, parce que là, pour l'instant, on a parlé des joueurs, on n'a pas parlé du coach, ouais, et le coach, il y a forcément des choses à dire, beaucoup veulent le voir partir. Est-ce que nous, on veut le voir partir? Est-ce qu'on pense qu'il va partir? Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux continuer? On aura l'occasion de développer un petit peu ces aspects-là sur un prochain épisode lundi prochain sur KNF TV, parce que voilà, on avait envie de prendre le temps de faire ce bilan, et puis on fera aussi un exercice. On va essayer de se projeter, savoir ce que l'été pourrait réserver aux Knicks, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on n'aimerait pas voir, quelles seront les éventuelles possibilités, est-ce qu'il y a des rumeurs. On aura l'occasion de détailler tout ça lundi prochain dans une autre émission. Il y avait beaucoup de choses à dire sur celle-ci. Prenez le temps de la digérer, prenez le temps de la regarder. On va la chapitrer un petit peu. Et puis voilà. Du coup, on peut passer une bonne semaine, un bon été avec les Knicks. Un bon game 7 ce soir. Pour ceux qui regardent, pour savoir qui va être finaliste à l'Est. Est-ce que Miami va être la première équipe à se faire remonter un 3-0, inversement? Est-ce qu'ils vont pouvoir être la deuxième équipe à se hisser en finale après les Knicks de 99 en étant numéro 8? Knicks on le verra. 99, jamais. À tout jamais. À tout jamais. Ils sont pas tous au plafond, mais ils sont toujours dans nos cœurs. D'ici là, portez-vous bien. Avez une bonne semaine. passez une bonne semaine. J'en bafouille. La technique est revenue, mais c'est le cerveau qui part en fumée. Bonne semaine, voisin du dessous, là. Eh ben oui, toi aussi. Et puis, on va remettre des couleurs un peu plus orange and blue. Là, on a sorti le jersey de sélection parce que c'est l'été. Allez, bonne semaine à tous et à toutes. Et puis, rendez-vous très bientôt sur KNF TV. Ciao, ciao. Salut.